Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Girondin Analyse RIG 90.7 FM et RIGFM.fr. On est ensemble comme tous les lundis, tous les vendredis, 20h30, 22h, horaire définitif du lundi. On a laissé tomber le 20h, 21h30, on passe. Oh. Déjà parce qu'on s'est aperçu au niveau des stats que vous étiez plus nombreux à nous rejoindre à 20h30, donc on s'adapte aussi à vos horaires. Et comme ça se trouve maintenant ils seront plus nombreux à nous rejoindre à 21h, c'est une demi-heure après, donc on va revenir à notre ancien mais, truc. Mais comme le vendredi les désaccès ont repris et que voilà, le seul créneau disponible c'est 20h, on vous laisse pas aussi créer de gros décalages entre les deux émissions en termes d'horaire. Pour donc les 20h30 le lundi, 21h le vendredi, ça va. Petite demi-heure de décalage. Au pire, vous arrivez une demi-heure plus tôt le vendredi, c'est pas grave. Vous tomberez sur devant le match. Donc, émission ce soir. Avec, dans 10 petites minutes, même pas, notre invité téléphone. La tare qui sera avec nous tout à l'heure. Mais alors après. Mais voilà. Après. C'est ce que j'ai oublié de dire. Jusqu'à, normalement, d'ici 10 minutes, donc notre invité, un ancien joueur des Girondins de Bordeaux, champion de France, double vainqueur de la Coupe de la Ligue, vainqueur, qu'est-ce qu'il a comme petit palmarès aussi avec Bordeaux, trophée des champions aussi en 2010. Champion, ouais. C'est Pierre Ducasse qui sera avec nous dans quelques instants, actuel joueur du Stade Bordelais. Donc il est revenu sur Bordeaux depuis l'année dernière, il est au Stade Bordelais. On prendra de ses nouvelles d'ici quelques instants. Et puis voilà, on lui demandera son avis sur la situation actuelle du club, sur plein de choses, sur Ricardo, puisqu'il l'a connu. Il l'a eu sous ses... Enfin, il l'a eu sous Ricardo comme coach, donc il pourra nous en parler un petit peu. On parlera évidemment de l'après-match de la cinquième journée de Ligue 1 hier. Bordeaux et Nîmes se sont séparés sur un match nul, 3 buts partout au terme d'un match. Pestaculaire, messieurs. Il y a eu du pestacle. Il y a eu des buts. Il y a eu des poteaux. Qu'est-ce que ça m'énerve, un match comme ça. Bah oui, mais tu regardes un Montpellier Rennes. Il y a 3-3 avec le scénario d'hier. Tu dis putain, c'est un bon oui, match. Oui, mais tu vois, regardes, tu es Nantais. C'était sympa. Et ben, je préfère être Nantais que Bordelais. Arrête. Mais je m'en fous. Là, tu mènes deux fois au score et t'es pas foutu de gagner. Oui, quoi. Non, mais d'accord, mais. Ah ouais, mais moi, non, désolé. Non, tu mènes, oui, tu mènes deux fois le foot, oui, c'est. Enfin, il faut gagner à la fin, hein, sinon ça sert ouais, à rien. Ouais, non, d'accord, mais bon. Au moins, t'as eu des émotions. Toi, t'aurais préféré un 0-0 tout pété où on se serait fait chier pendant mais tout le match. À choisir, ouais. Passé. Et je préfère. Et après, bon, le truc plus simple, c'est que je préfère 1-0 tout pourri qu'on gagne. Mais entre un match comme ça et un match où je n'ai que des regrets et un match où je me dis, bah, des fois, il y a des matchs où ça ne veut pas rentrer, bah, je préfère 0-0. T'as pas que des regrets, t'as des motifs de satisfaction. T'es mené 2-1 à mi-temps, tu reviens chez les mecs. Tu mènes deux fois au score contre un promu et tu fais 3-3. C'est bon, quitte à prendre un point, moi je préfère les prendre en marquant 3 buts et en ayant un peu de joie 3 fois dans le match qu'en me faisant chier à 0-0. Bah après voilà, c'est une vision. Oui, non, mais c'est des visions du football différentes. De toute façon, t'inquiète pas, Marc. Les 0-0, d'ici quelques temps, tout va se mettre en place. Ne vous inquiétez pas, ça va pas tarder. Donc, on va revenir. Ouais, peut-être que je préférerais, tu vois. On va revenir donc sur ce Bordeaux-Nîmes dans la deuxième partie de l'émission. Et dans la troisième partie de l'émission, eh ben oui, on repart sur un rythme après match, avant match, puisque jeudi, ça y est, c'est parti pour l'Europa League. Bordeaux va se déplacer sur la pelouse du Slavia Prague. Donc, on vous fera un petit avant-match complet. C'est à 21h jeudi d'ailleurs, et ça sera sur en clair sur RMC Story, chaîne numéro 23, canal 23 de la TNT. Donc pour tous ceux qui ne pourront pas aller à Prague, hein, à savoir 99,9% des supporters bordelais en France. Sont ici. Voilà, vous pourrez regarder le match en clair et vous pourrez même regarder le match d'après, la réception de Copenhague, ça sera également en clair sur la même chaîne. Pour ceux qui ne seront pas au stade, bien, avec moi ce soir, je vais quand même faire les présentations. Vous l'avez entendu. C'est sa reprise, il était en vacances, il est tout bronzé, ou pas d'ailleurs. Ça va Marc ? Salut à tous. C'était bien Mykonos ? Ben non, je vais pas là-bas. Marc à Mykonos. T'es parti, vous êtes parti où ? J'ai fait un petit peu à l'île de Ré, un peu à Soulac. En fait, on a été là où nos amis étaient, tu vois. On n'a pas fait ça, de c'est vacances. C'est pratique, ben ouais, l'île de Ré, tu vois, tu dois partir à Lourdes pour aller à la montagne, tu vois, chez la maison de tes parents. Enfin, la petite appartement de tes parents, et tu as tes voisins qui la veille te disent, on va à l'île de Ré, on a une petite maison là-bas de famille, est-ce que ça vous dit de venir avec nous? Et bah ouais. Voilà. Et pardi. Et que des trucs comme ça, voilà, j'ai trop mangé. Mais le problème, c'est quand t'es avec des potes, qu'est-ce que tu fais? Tu fais apéro tous les soirs, barbecue, apéro, barbecue. Bon, tout le monde s'en branle de ma vie, mais voilà, j'ai trop mangé, j'ai pris du poids. On a un peu de temps à meubler, on a encore 5 minutes à meubler, donc allons-y. Ah, mais si tu veux que je meuble, le problème, c'est que je vais y arriver. Alors attends, on va finir la présentation avant. Thomas, salut Thomas. Salut tout le monde. Ça va ton petit? Très t'as bien, pas entraînement finalement ce soir, toi? Non, pas entraînement. Vous savez, t'as repris l'école. Alors, comment c'est possible que l'entraînement s'annule à cette période de l'année où les terrains sont secs? Bon, il doit être que 6. Non, non. Quoi, il manquait des mecs. Non. Coach est malade. Le coach en apéro. En fait, il a séché l'entraînement. Il veut pas nous le dire. Ouais, bon, ça va. Ça y est, t'as repris les cours. Ouais, ça y est. T'es quoi là? Première, terminale. Première. Oh putain. Bah c'est bien, mon petit. Va falloir t'accrocher parce que. Il te reste encore 20 ans à faire. Il te reste. Ouais, c'est clair. Merci en tout cas, mon petit Thomas, d'être là ce pas soir. Rémi, bonsoir. Comment ça va, Rémi? Ça va. Un petit 3-3, bien. Ouais. T'es en première en aussi. En plus, j'ai perdu un PG contre Rémi, ouais, sérieux. En plus, grâce à un doublé de Jimmy Briand, que je remercie de nous écouter. Le problème, c'est que je voyais le joueur, tu vois, sur le banc qui avait marqué. Je me suis dit, j'espère juste que les mecs qui l'ont mis titulaire ont pas fait un match tout pété pour être sûr qu'il rentre pas. Et si, putain de merde. Du coup, si Jimmy Briand m'entend, je le remercie. Car tous mes potes savent que je suis fan de Jimmy Briand grâce à MPG. Mine de rien, Jimmy Briand. L'année dernière était bon aussi à Guingamp. J'espère qu'il va être aussi bon. On va en parler dans quelques instants dans l'avant-match. Mais mine de rien, Jimmy Briand, bim, il a mis son petit doublé et. Tranquille. Il a largement le temps d'atteindre les 10 buts cette saison. Tiens, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié nos amis du chat. Je vais rectifier ça tout de suite. Amis de chatteux ou de chatteuse, je sais pas comment on dit. Chatter. Bonsoir à vous, c'est en train d'arriver petit à petit sur le chat. Bonsoir à vous, il y a qui? Il y a Julien, il y a Sip, il y a Rigobert, comme Rigobert Song. Comme le roi. Mais non, le roi d'Agobert, pas le roi. Ça commence fort. Ouais, c'est. Alors attendez, je teste, hein, c'est juste pour notre invité, mais je teste quand même, voir si ça marche. Ah, ça marche. Ouais, ça marche, c'est bon. On peut accueillir notre invité dès qu'il sera là, et pas de souci. C'était un test. Vous pouvez nous joindre au 05 56 35 31 31. Si vous voulez participer avec nous à l'après-match de Bordeaux-Nîmes ou à l'avant-match de Prague, on va vous demander de le faire juste après l'intervention de Pierre Ducasse, parce qu'on ne peut pas évidemment avoir deux personnes au téléphone en même temps, donc ça va être un petit peu compliqué. Si vous avez des questions à poser à Pierre Ducasse, Sip, tiens, sur le chat, nous demande, c'est le même Rémi qui est dans notre ligue MPG, Marc. Oui, je pense que c'est toi. Non. De quoi? Sip, sur le chat, nous parle à propos de Rémi, nous dit, est-ce que c'est le même Rémi qui est dans notre ligue MPG? Les mecs sont apparemment, t'es dans une ligue MPG avec Sip. Et... Ah bah non, je découvre le alors jeu. Alors, Sip, non seulement c'est pas le même Rémi, mais apparemment c'est même pas le même Marc en fait. c'est visiblement, un c'est non, pas le même. Non seulement je découvre le jeu, et en plus. J'ai réussi quand même à choper Neymar sans enchère. Sérieux? En fait, tu sais ça pourquoi? Parce que ça, moi j'ai ma théorie, elle est infaillible. Personne se met dessus parce que tout le monde se dit ouais, c'est ouais, bon. C'est ça, il y en a un, il va lâcher 600 boules. Tu sais quoi? Et c'est mort. Et en fait, du coup, vu que t'es le seul j'ai fait cette théorie, j'ai pris Cavani, Mbappé et lui sans monter les enchères. Je me suis dit, on verra bien. Dans ton équipe, t'as Cavani, Mbappé. Non, je me suis dit, on verra bien. Non, le problème, c'est que Mbappé et Cavani, les enchères sont montées gavées, mais tu sais pas pourquoi, ils sont pas allés sur. Moi j'ai pris la première, je me rappelle là, bon on a une ou deux minutes à meubler, donc allons-y, c'est pas grave. Non mais la première année où Cavani arrive au PSG, donc il y a ça va remonter 3 ans, 3 4 ans, plus que ça. 5 ans, ça. Ouais, il était déjà là quand il y avait Zlatan, ça fait au moins 5 6 ans. Personne étant amateur de l'équipe de Palerme et du Napoli, deux clubs dans lesquels est passé Edinson Cavani, je savais à peu ce que valait le bonhomme, tu vois, et Pastore aussi. Enfin, je savais ce que valait le bonhomme. Donc, quand il arrive à Paris, je me rappelle, on avait fait une ligue pareille avec Rico, avec Cyril, avec tout le monde. Et personne s'est mis dessus. Sur Cavani, la première année où il arrive à Paris. Je fais t'inquiète, pareil. Et je l'avais eu sans. Bah oui, mais avec Hamzik et Lavezzi. Vous avez une triplette, mon pauvre. Ça faisait mal. Bref, et donc, du coup, j'avais pris Cavani. Les autres m'avaient dit, oh, t'as mis. Ouais, je fais t'inquiète. C'est 25 buts minimum. Tu sais, j'ai pris qu'un en numéro 9, Mitroglou. T'as une attaque brillante, Mitroglou. Ouais, j'ai que deux potes, j'ai Mitroglou. Mine de rien, ça peut te faire 25 buts sur la saison. Mitroglou, il a marqué en plus. Ouais, non, mais Mitroglou, ça fait deux journées que je suis avec des potes. Ça peut te faire 25 buts sur la saison. Le mec a quand même été magique de rater le pire. Ah ouais. Non, mais franchement, mets la cuisse, mets le ventre, mets le nombril, mais mets pas la tête. Mais même Franck Sauzet, il le dit pendant le direct. Il lui dit, attends, je comprends pas, mets la cuisse, mets je sais pas le genou. Mitroglou qui était très bon à Benfica, puis à Fulham avant. Et ouais, un peu de mal à Marseille. Quoi. Ouais, mais mine de rien, il se fait ses stats. Genre, 10 buts en dernier. Il commence à se mettre des petits ballons. C'est après franchement, enfin, on en reparlera vendredi de Guingamp, qui est notre vendredi. On débriefera Prague et on parlera de Guingamp, notre futur adversaire. Pour ceux qui ont vu le match hier, ils font quand même une première heure quand même costaud. Ouais, mais après ils coulent. Mais ils coulent dès qu'ils prennent un but. Ils coulent. Donc le problème, il est pas compliqué. Hein. Faut marquer en premier et normalement, si tout va bien, on devrait s'en sortir. Bien. Donc qu'est-ce que j'ai comme petites infos, attendez, je regarde. Tiens, en parlant d'anciens, c'est Rio Mavuba qui commentera Slavia Prague, Girondins de Bordeaux. Et qui a signé aussi à Mérignac Arlac. Ouais. Pour ce... D'ailleurs, on devrait peut-être faire un tour du côté de Mérignac, un de ces quatre. À choper. Au hasard, juste au hasard, comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Rien, donc là je sais pas trop quoi faire en fait. Qui veut meubler, Marc? Et c'était vacances, c'est mes vacances. Non, mais j'ai pas non, mais on peut peut-être commencer à parler du match. Oui, on va commencer à parler du match. De ce fabuleux je match. Je voulais te lancer sur ton week-end prochain, mais bon, je me suis dit, va pas être chaud. De toute façon, c'est qui nous avait prévu du cas? C'est Cyril? Ouais. Tout à fait. Tout simplement, envoyer un texto à Cyril pour savoir qu'est-ce que bon, ça va, il est que 20h41. Oui. Non, mais peut-être pour qu'il le relance. Alors, donc, Bordeaux-Nîmes 3-3. Nîmes avait ouvert le score par Baptiste Guillaume à la demi-heure de jeu. En fait, ce qui est bien, c'est que on a confirmation de tout le reste. C'est-à-dire que. Parfait. Timing. Je crois que la star est arrivée. Attends, je coupe le micro de Marc. Voilà. Ça n'entendra plus. Donc, on va quand même continuer. On va pas juste le regarder parler dans un téléphone. donc, ouais, Baptiste et Guillaume avaient ouvert le score. Jimmy Briand avait ouvert le score. Baptiste Guillaume avait répondu quelques minutes après. S'en est suivi la fameuse 45e minute avec ce coup franc splendide d'Antonin Bobichon. Face au virage, il fallait le faire quand même. Enfin, un coup franc sublime. Et Jimmy Briand et Samuel Kalou, dans la même minute, ont marqué. Bordeaux menait 3-2, sauf que Bordeaux s'est fait rattraper sur un but d'Oumout Bozok à la 78e minute. On va interrompre notre après-match en accueillant notre invité. Qui peut lancer Chamac face à Mandanda peut-être. Au bon retour de Loric Sana. Et la frappe. Quel but de Ducasse. Et oui, puisque notre invité du soir, c'est Pierre Ducasse. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Oui. Non, on va briser la glace. Merci. La glace de suite. Merci. Ça déjà. Va pas trop marre que tout le monde se parle que de ça. Comment? Tu n'en as pas trop marre que tout le monde te parle que de ça, que de ce but? Non, ça va. C'est un souvenir. C'est un de mes plus beaux souvenirs. Donc. Je dois avouer que j'étais c'est au stade. C'est pas comme si on me rabâchait des choses plutôt négatives. Ouais. J'étais au stade ce jour-là. Je dois t'avouer que la mi-temps m'avait souffert parce qu'en plus je crois que Ramé fait une sortie toute moisie juste avant la mi-temps avec Nyang Mark. Toute la mi-temps on s'est fait chambrer avec des merci Ramé, etc. Et puis le coup franc à la 88e de Boinel avait déjà bien éteint le Vélodrome. J'ai revu les images. Le coup franc il est à 79e minute et le but de Pierre c'est dans les arrêts de jeu à la K au bout du bout. Alors celui-là il a installé la première clim au Vélodrome. Et alors pour la petite anecdote, faut quand même savoir que ce n'est pas le la deuxième fois quand tu marques ce but-là, Pierre, t'avais déjà marqué quelques années auparavant pour ta première, si je dis pas de bêtises, ouais, au Vélodrome, on gagne 2-0 avec un but de qui marque le premier, Julien Faubert, exactement, avec les maillots kaki, vous vous souvenez? Exactement. Maillot kaki et bleu. Ah, oui, c'est mieux de marquer le deuxième dans cette condition. Ça reste quand même un beau souvenir, mon premier but. Ah bah c'est quand même au Vélodrome. Ouais. Sur un ouais. Surtout que je m'attendais pas du tout à jouer. Au final, j'étais rentré. Et... Voilà, tu conclus, je crois que c'est une contre-attaque qui part, enfin c'est un contre qui part Parcheville qui déborde et il centre, Lilian Lasland il tacle mais il est trop court et du coup j'arrive au deuxième poteau avec le but plus ou moins vert. D'ailleurs je retombe sur Cédric Carasso à la fin et quand on a joué ensemble il m'a dit qu'il avait été blessé sur ce coup-là. C'est ce qu'on a vu, à l'époque c'était Carasso. Excusez-vous. Ouais. Alors on va juste déjà te remercier Pierre d'avoir accepté notre invitation, merci avec beaucoup. Plaisir. Tu es au Stade Bordelais depuis l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Exactement, ouais, c'est ma deuxième saison. C'est ma deuxième saison là-bas. Et... Alors là, bon, et malheureusement, en ce moment, c'est un peu compliqué puisque si je dis pas de bêtises, t'es blessé. Ouais, exactement. En fait, j'ai pris une béquille. Du coup, ça m'a handicapé un peu depuis 3 semaines. Donc là, j'ai raté le match du coup contre la réserve des Girondins ce week-end. Et j'ai encore 10-15 jours de bonnes semaines de repos, je pense. Dis plutôt que tu voulais pas gagner contre ton ancien club et que tu préférais laisser la place. Pas faire de mal à Mathieu Chalmé. Voilà, c'est ça. Ouais, parce qu'en ce moment, bon, les pros, c'est pas ça, mais alors la réserve, c'est encore moins ça. Hein. La réserve, ouais, mais journaux, c'est, ils sont très jeunes, ils sont très jeunes, et c'est une poule qui est difficile. Hein. Il y a des équipes qui jouent, il y a des équipes que forcément on connaît pas trop quand on suit le monde pro. Moi, je les connaissais pas auparavant, mais il y a des équipes comme Saint-Privé, Saint-Hilaire. Et il y a vraiment, je trouve que le championnat de CFA, il est à la hausse par rapport à l'époque où moi j'y jouais. Je trouve que même en étant jeune, on avait des qualités techniques qui nous permettaient de gagner des matchs et tout ça. Et maintenant, au-delà d'être des équipes physiques, les équipes, je trouve que techniquement, ça a vachement progressé. Donc c'est compliqué pour des jeunes. Ils sont très jeunes et après ils jouent au ballon et c'est pas forcément des championnats dans lesquels on peut rentabiliser le beau jeu et compagnie. Donc c'est pas évident pour eux non plus. Et du coup, t'as un projet avec Stade Bourlet, genre passe à des diplômes, devenir entraîneur? Moi, j'ai passé l'année dernière. En fait, j'ai fait une année pré-studieuse l'année dernière. Okay. J'étais rentré dans l'optique de préparer ma reconversion. Je voulais plus barouder en national et compagnie. Et je voulais rentrer sur Bordeaux parce que je savais que je vivrais ici à la suite de ma carrière. Du coup, j'avais profité l'année dernière pour jouer au Stade Bordelais, en même temps pour passer mon diplôme d'entraîneur. Et à côté, des diplômes en gestion de patrimoine, parce que j'avais un projet de reconversion avec un cabinet de gestion de patrimoine pour les sportifs, avec qui j'ai bossé quand moi je jouais. Enfin, j'étais client. Et c'est quelque chose qui me plaisait, je m'étais toujours intéressé. Donc l'année dernière, j'ai passé mes deux diplômes. Et donc du coup, à l'heure actuelle, je travaille, je suis salarié pour du cabinet de gestion de patrimoine. On gère des sportifs pro. Et à côté de ça, j'avais validé mon BEF. Donc la question qui se posait, c'est soit je continue à jouer, soit j'entraînais, je pouvais pas faire les deux. Avec la vie de famille et tout ça, donc j'ai opté pour optimiser mes dernières années de foot avant d'entraîner ensuite. Juste, alors excuse-moi Thomas, juste, t'inquiète, je te donne la parole juste après. C'était important pour toi d'associer un projet de reconversion, parce que t'es, mine de rien, t'es jeune, hein, t'as que 31 ans si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai 31 ans, mais j'ai toujours eu en tête plus ou moins l'intrigue de savoir ce que je ferais après ma carrière. J'ai eu des copains qui ont plus ou moins galéré, qui ont pas préparé ça et qui se retrouvaient plutôt démunis ils avaient pas de fil conducteur avec une vie de famille et tout ça. C'est important au niveau social d'avoir des objectifs. Et moi, je savais pertinemment que la carrière s'arrêtait un jour et que voilà, j'avais anticipé plus ou moins ça et j'avais attendu le bon moment pour rentrer à Bordeaux. Le moment d'être prêt et, entre guillemets, de choisir d'arrêter de se projeter vers le haut niveau. Et donc voilà, j'ai plutôt bien vécu et j'ai pas de regrets. Elle s'arrête tôt quand même. Enfin, on était surpris quand on en parlait. Ouais. Non, mais c'est, enfin, on se souvient du joueur qui a joué à Bordeaux, qui a évolué dans d'autres clubs de Ligue 1. Lorient et Lens, pour parler. Ouais, il y avait quand même le niveau de continuer. C'est quoi qui t'a un peu le ras-le-bol du monde professionnel ou? Non, c'est pas du tout. C'est que, forcément, j'ai fait ça quand même depuis un moment. Enfin, quand on est au centre de formation, c'est déjà un métier. Hein. À 15 ans, on s'entraîne tous les jours, on combine avec l'école, on se couche, on a les cours de rattrapage le soir à 22h. Enfin, j'avais plus ou moins fait le tour. Je savais que, entre guillemets, je plafonnais. Je savais que j'aurais pas mieux que ce que j'avais connu. Donc, il était temps pour moi de faire autre chose et de prendre le temps de bien mettre les fondations de ma reconversion. Et du coup, pas d'étranger. Ça m'est venu comme ça en tête. C'était le moment pour moi. J'ai pas vraiment d'explication, mais c'était le moment. C'est vachement mature comme. Ah, du coup, l'étranger, c'était pas possible pour toi ou t'avais pas trop envie aussi? J'ai été tenté vers des destinations, mais c'était plus pour la qualité de vie que pour le coup. Mais ma femme était enceinte. C'était pas le moment idéal. Okay. Oui, Pierre, donc partir. T'as dit que tu jouais avec le Stade Bordelais. Est-ce que ça t'arrive aussi des fois de jouer, je crois, il me semble, le dimanche avec les anciens Girondins qui sont au stade, comme Lilian-Lasland ou même... Non, pas du tout. Et vu qu'on a un match le samedi, je peux pas, mais on verra plus tard quand j'aurai définitivement rapproché les crampons. D'accord, pas de problème. Ah, il est pas... Ça va, il est encore jeune. Mais chez les vieux, Thomas, t'es ça. Ouais. Il a 15 ans, le droit, le Guillaume, de poser la question. C'est pour ça, c'est... Il a 16 ans, le petit Thomas. Oh la vache, Thomas, ça veut dire que t'as 16 ans. Mais quand... Pierre, il y a 16 ans, on était en quoi? En 2002. J'étais pas pro encore. Oh la vache. Ah, ça fait ouais. Ça... Ouais, enfin, t'étais pas pro, mais t'étais pas loin, parce qu'en 2004, tu marques ton premier but, si je dis pas de bêtises, à Marseille. 2005, ouais, dans ces eaux-là. Donc ouais, t'étais pas très loin. Les objectifs cette année avec le Stade Bordelais, tes objectifs perso puis les objectifs du club, c'est ouais, les objectifs perso. Si t'en as, pouvoir transmettre un peu de mon expérience, d'encadrer les jeunes qui sont dans l'équipe, même si cette année il y a eu un recrutement avec beaucoup plus de maturité, donc il y en a moins besoin. C'est de pouvoir, à titre personnel, m'épanouir, bien profiter du temps que j'ai sur le terrain, profiter encore pleinement de la vie de vestiaire aussi, parce que je suis quelqu'un qui aime ça, et je suis passionné de foot avant tout. Et ensuite, les objectifs du club, ils ont recruté de manière qualitative cette année, pas nombreux, mais de la qualité. Donc, dans un premier temps, c'est d'assurer un maintien plus tranquille que l'année dernière à la dernière journée. Oui, okay. C'est sûr que si ça pouvait être plus tranquille, ça serait mieux, oui, c'est clair, parce que là, ouais, franchement, c'est toujours un petit peu ric-rac. Ouais, non, après, c'est pour partir de l'actualité de la région. Avec la vente du club, comment toi, en tant qu'ancien joueur des Girondins de Bordeaux, qui a fait sa formation, enfin, t'as fait quand même une grosse part de ta vie au Girondin, comment tu vois ça, comment tu le vis? Bah, déjà, dans un premier temps, je le vis de manière extérieure. Donc j'ai pas le tenant aboutissant du projet de reprise, comme beaucoup de monde d'ailleurs, je crois. C'est ça. Oui, c'est un peu ça. C'est assez opaque le sujet. Mais c'est difficile de se prononcer quand on connaît pas vraiment de l'intérieur. Après, j'espérais que M6 va vendre à quelqu'un de sérieux, que notre maire Alain Juppé a plus ou moins étudié le projet de rachat et que tout va se faire comme il faut, quoi. Après, que le club soit repris, malheureusement, c'est la vie du football. Beaucoup de clubs sont repris. On sait que c'est comme ça maintenant, avec tout l'argent qu'il y a dans le foot. Pour toi, c'est vrai. C'est comme c'est Nicolas Taverneau, je crois, qui disait voilà, on a plus les moyens de d'amener. Ah, ça a coupé. Ça a tranché. C'est pas grave, on va rappeler. Hop là, attendez, je remets tout à zéro, vas-y. Bah, donc, c'était pas mal. Vas-y, ta question. Alors du coup, on va. Voilà, ce sont les aléas du direct. C'est ça qui est bien aussi. Hop là. On est de retour. Ça a coupé. Ouais. Désolé, je sais pas de soucis. Non, t'inquiète, pas de problème. Du coup, qu'est-ce qu'on disait? Je sais plus. Tu posais une question sur le fait de l'argent. Club, ouais. Oui. Nicolas de Taverneau disait voilà, à partir du moment où M6, nous, on estime qu'on peut pas amener Bordeaux au-dessus de ce qu'on fait actuellement, on transmet. Alors, transmettre, c'est bien, mais transmettre à des gens, comme tu disais tout à l'heure, c'est quand même super, c'est quand même super opaque. Pour que même toi, qui sois un ancien, qui est sur la région, qui est en ville, donc je pense que tu as quand même gardé des... Enfin, je suppose que tu as gardé des relations avec des gens peut-être du club, plus ou moins proches ou quoi, que même toi t'es pas de retour, c'est que ça doit être un truc super Ouais, après j'ai pas de retour parce que peut-être tu cherches pas en avant. Moi j'ai pas envie d'embêter les gens qui ont les infos. Enfin, je veux dire que si je croise Monsieur Martin, je vais pas lui demander les garanties qu'a amené GAPC. Enfin, c'est pas de mon ressort non plus, hein. Je travaille pas au club, après je les vois pas non plus tout le temps. Je travaille, je joue, j'ai une vie de famille, donc voilà, j'ai pas voulu non plus approfondir la chose à fond. Après, est-ce que je pense qu'on va en savoir plus prochainement dans tous les cas. L'autre actualité, c'est la nomination la semaine dernière de Ricardo comme alors officiellement manager général. Tu l'as bien connu puisque tu l'as eu sous tes il a été ton coach pendant... c'était mon premier coach en voilà. Pro, hein. C'est lui qui m'avait fait jouer lors du premier but au Vélodrome. Comment tu peux nous le décrire, parce que on connaît, alors moi du moins mes collègues un peu moins parce qu'ils sont un peu plus jeunes, ils l'ont vu je l'ai vu en tant que joueur. En tant que coach, on le connaît, c'était il y a une quinzaine d'années à Bordeaux, mais voilà, comment il... Déjà, est-ce que pour toi c'est un bon choix de l'avoir d'être re-aller chercher Ricardo et à ce poste de manager? Moi, j'aurais tendance à dire oui. Après, comme il faut toujours se rallier au monde du football, et dans le monde du football d'aujourd'hui, c'est les résultats qui comptent. Pour moi, il y avait un monsieur comme Jocelyn Gourvennec qui avait un vrai projet sur le long terme et tout ça. Mais le problème, c'est que de nos jours, les projets sur le long terme, c'est pas dans le foot, ça va pas de pair. Donc, on va voir vite les résultats et ce sera les résultats qui parleront pour lui. Après, en tant que coach, moi, j'ai beaucoup apprécié jouer sous ses ordres. Il a une culture tactique très importante. Et voilà, je trouve que surtout dans le foot actuel de nos jours, si on se réfère à la Coupe du Monde et notamment l'équipe de France, c'est le style de coach qui va essayer de rendre l'équipe efficace défensivement et ensuite de jouer vers l'avant le plus vite possible. Donc à mon avis, ça va être la stratégie employée. Après, c'est Ricardo, c'est un gentleman, c'est la classe. Il a beaucoup de il dégage quelque chose en plus que certains. Il a cette sensibilité. Il arrive à toucher les gens avec les bons mots au bon moment. C'est quelqu'un que j'ai apprécié et qui m'a fait beaucoup beaucoup progresser. Donc là, il prend un groupe. Alors la différence de ton époque, c'est que là pour le coup, il prend un groupe qu'il a absolument pas. Qu'il a absolument pas choisi. Voilà, il arrive dans un groupe où il y a des joueurs, Je vais me répéter, mais encore une fois, c'est la réalité du foot à l'heure actuelle. Quand on est nominé pour remplacer un coach qui est viré entre guillemets, on arrive forcément avec une équipe qu'on n'a pas choisie. Donc ça fait partie du quotidien des entraîneurs. Si demain il y a un autre coach qui se fait virer, par exemple Bruno Genesio ou quoi que ce soit, le coach qui va arriver, il aura pas non plus choisi ses joueurs, mais c'est pas pour autant qu'ils ont pas de qualité avec l'effectif qu'ils ont. Donc je pense qu'il va être à même de s'adapter, il va essayer de tirer le meilleur de chacun et il va faire en sorte que ce soit efficace le plus vite possible. Je pense qu'il va adopter une stratégie qui lui permette d'être efficace et rentable le plus rapidement possible. Oui, puis il va falloir, parce qu'en termes de points, bon, t'es à une victoire, un nul en 5 matchs, il n'y a pas encore le feu, mais ça pourra vite arriver. Il n'y a pas le feu, mais il y a des braises dans le barbecue. Voilà, exactement. Il n'y a pas le feu, mais ça commence un peu à chauffer. D'ailleurs, justement. Après, ça va vite dans le championnat. Là, tu fais une série de 3 victoires, tu repasses 8e. C'est ça. Et tu comprends les joueurs qui disent qu'il n'y a pas la crise ? Il n'y a pas de crise ? Alors que les supporters ont tendance à avoir pas beaucoup de points. Après, il faut se mettre dans le contexte bordelais. À Bordeaux, il n'y a pas de crise. Peut-être qu'à Marseille, il y aurait une crise. À Bordeaux, il n'y a pas de crise. À Bordeaux, on a une... C'est ce qui fait aussi, parce que ça a ses inconvénients, mais ça a aussi ses avantages. Parce que parfois, il y a des situations où on va décréter que c'est la crise et on va travailler dans l'urgence, on va travailler avec une pression supplémentaire et au final, on s'en sortirait peut-être pas, alors qu'en ayant une philosophie un peu plus passive et plus extérieure, en étant plus calme, on dit que voilà, Bordeaux c'est tranquille, il n'y a pas de pression, mais ça a aussi ses avantages. Et les joueurs, ils peuvent s'exprimer et après des résultats négatifs, ils peuvent rebondir peut-être plus facilement que s'ils étaient complètement dans le doute avec une pression, avec la cocotte sur la tête, quoi. Donc ça a ses avantages, ça a ses inconvénients, mais pour moi, il n'y a pas de crise. Et du coup, t'en penses quoi de l'effectif actuel en tant que joueur, toi aussi, vu que t'as joué à un bon niveau quand même? Si t'as un avis. Écoutez, moi j'en ai parlé avec un ami. Pour moi, je lui disais, on a été voir la Gantoise une semaine avant. Je lui disais, moi, je suis pas du tout inquiet avec l'effectif parce que je trouve que ça tient la route contre la Gantoise. J'ai vu des joueurs faire un gros match, comme le Rager, comme Letchouk. Je pense qu'il y a des. Pour moi, il y a de quoi faire. À gauche, on a Youssouf Sabali qui va revenir. Pour moi, Benoît Costa reste un bon gardien. De toute façon, je vais pas dire le contraire parce qu'en plus c'est un pote. À droite, on voit que le petit Palencia, c'est pas mal. Moi, j'ai bien aimé son premier match contre la Gantoise. En plus, je trouve que c'est des joueurs qui ont de l'envie. Je trouve que Pablo, il est très bon. Letchouk, il a envie. Jules Koundé, ça mérite de jouer parce que c'est un jeune prometteur. Au milieu de terrain, il y a un mec comme Sankaré qui a un potentiel énorme et que Ricardo, c'est le type même à pouvoir bonifier un joueur comme ça. Il va le cadrer, Après, il y a des... Non, je trouve que devant, moi j'ai adoré... Enfin, je me rappelle le jour où j'avais tweeté justement à ce propos. Je trouve que le recrutement de Jimmy Briand, c'est super. Jimmy Briand, il y a Kalou aussi qui... Et Kalou, je connaissais pas du tout, mais contre la Gantoise, je me suis dit, encore un qui va rester un an et demi à Bordeaux. Et pas plus. Ouais, parce qu'avec il a fait un match encore hier, je sais pas si t'as pu voir... Ouais, j'ai vu. Si t'as perdu, il a fait un match encore hier, il était très bon. Ouais, il a fait un bon petit match. Donc je trouve que Kamano a jamais été aussi bon. Ah oui, ça. Kamano, c'est vrai. Donc voilà, moi je trouve que Kamano, Briand et Kalou devant, pour moi, ça fait partie des attaques de la première partie de tableau. Au milieu de terrain, quand on a Sankaré, le Rager en forme, Plasil, Otavio, Même moi, j'aime bien Valentin Vada. Je trouve qu'il fait le lien entre la défense et l'attaque. Après, il n'est pas très utilisé, mais c'est peut-être les choix de coach. Et le coach a changé, donc il aura peut-être plus de temps de jeu. Je trouve que derrière, c'est solide. Si on prend Pablo, Koundé, Sabali et Valencia, non, je trouve que pour moi, c'est cohérent. Il va falloir trouver une osmose, mais moi, je trouve que il y a eu des effectifs plus faibles que ça à Bordeaux. Oui, dans l'ensemble, enfin, moi, je te rejoins un petit peu. On a quand même, y a pas le feu, il y a les braises. Mais bon, ouais. T'es qualifié en Coupe d'Europe. La société préchauffe. Il y a un nouveau coach qui est arrivé. Il y a un effectif quand même qui est quand même, je pense, pas mal. C'est cohérent. Il faut pas qu'on s'attende à avoir une équipe comme Monaco, comme Lyon, comme Paris, comme Marseille. On n'a pas le même budget. Il faut pas se leurrer. Hein. Ça c'est clair. Il faut aussi parfois remettre les pieds sur terre parce que on peut vite. Voilà, Bordeaux a une histoire. Bordeaux a été champion de France. Bordeaux a gagné plein de titres. Je veux dire, le football, pour arriver à pérenniser des résultats comme ça dans le temps, de nos jours, c'est quasiment impossible, à part injecter des millions et des millions et des millions. Mmh. Et ça, tout le monde ne peut pas le faire. Mmh. Donc il faut parfois savoir supporter son équipe, même s'il y a des moments un peu difficiles. Mais je trouve que cette année, c'est vraiment dur de dire qu'il y a la crise, qu'on a une équipe, entre guillemets, pourrie. Moi, je trouve qu'il y a un effectif de qualité, il n'y a pas la crise. Certes, Bordeaux est dans le dur. Mais je trouve qu'il faut les soutenir et les aider à remonter la pente tranquillement pour voir des matchs agréables. On sait très bien que Bordeaux va pas être champion de France. C'est quasiment maintenant impossible de gagner une coupe parce que Paris joue tous les tableaux. Jouer l'Europa League, quoi. Jouer une place en Coupe d'Europe. En fait, faut aller le plus loin possible en Europa League et faire un championnat qui permet de pas souffrir. Et essayer de, ben comme l'année dernière, d'arracher une place qualificative pour qu'il y ait encore la Coupe d'Europe l'année prochaine. Mais à l'heure actuelle, c'est ce que Bordeaux peut faire de mieux, faut pas se leurrer. Avant que Thomas pose la dernière question, moi j'ai juste un truc parce qu'on s'est posé souvent la question dans cette émission, surtout récemment avec les histoires de le licenciement de Poyet, Henri viendra, enfin il y a eu tout un hors football, il y a eu tout un espèce de truc, enfin bref. Quand on est joueur, justement, on se posait la question. Moi, je disais que j'avais pas l'impression que ça impactait vraiment ce qui se passait au sein de la direction, ce qui impactait dans le vestiaire, ce que disait Costil aussi, quand justement Marc te posait la question tout à l'heure, quand Costil dit non, mais nous, tout va bien, pas de soucis. C'est quelque chose vraiment qu'on arrive, toi, t'es joueur, t'es joueur pro, ça te. En fait, ça affecte pas parce qu'on est déjà programmé pour ça. Quand tu fais ta formation, t'as un coach tous les ans, différent. Enfin, moi, j'ai joué à Lens en 3 ans, j'ai eu 3 coachs différents. J'ai eu Jean-Louis Garcia, j'ai eu Sicora, j'ai eu Camboré, et je suis resté que 3 ans. Et, ça m'a pas marqué. En fait, quel que soit le coach qui est là, notre travail, il reste le même. Tu te lèves, tu vas à l'entraînement, tu donnes le meilleur de toi-même, t'essayes de faire le maximum pour ton équipe. Et, donc, quel que soit le coach, après, ce qui change, c'est quoi? C'est des ajustements. Après, peut-être que on peut avoir une sensibilité avec une philosophie de jeu d'un certain coach. Mais je veux dire, ça fait partie du monde du travail. Enfin, les gens quand ils travaillent avec un collègue qui se fait licencier, ils s'arrêtent pas pour autant de travailler, d'essayer de travailler de la meilleure des manières. C'est la vie qui est faite comme ça. Donc ça affecte pas en fait. Ça fait partie de la vie du foot encore. La dernière question, elle est pour Thomas. Ouais. Pour toi, est-ce que d'avoir prêté Paul Bayes à Caen, ce serait pas une erreur du club? Ou question. Alors. en fait, je pense que c'est pas une erreur dans le fait que Paul voulait du temps de jeu, il en avait aucun et il avait pas de dialogue avec le coach, donc il y avait un point de non-retour qui faisait qu'il était dans une impasse. Et je pense qu'à son âge, il avait besoin de jouer et Bordeaux l'a fait signer 3 ans et demi, donc s'il le prêtait pas et qu'il faisait une saison blanche, les 2 ans et demi restants n'allaient pas être forcément rentables en termes d'efficacité de Paul sur le terrain. Donc je pense qu'à la base c'est une bonne idée. Et au final, quand on voit que juste après Poyet est licencié et Ricardo arrive. C'est quand même pas maintenant, au final, c'est une connerie parce que ouais. Paul aurait eu sa chance et c'est aurait ça. Joué avec Ricardo, je pense. Surtout avec un mec comme Ricardo, quoi. Donc, oui, mais bon, on peut en vouloir à qui, au final, à personne, quoi. C'est pas de Pau. Non mais c'est vrai, le pauvre, il arrive à Bordeaux, rappelez-vous, ben, face à Caen déjà, où il se fait expulser, derrière, il y a Koundé qui explose. Gournay qui le veut. Igor venait avec le vent, Surtout quand on parle de mecs qui aiment le club, oui, Paul, il aurait pu être dans un club qui était troisième en Serie A ou en Liga. Son rêve ultime dans sa carrière, c'était de jouer titulaire à Bordeaux. Et là, il revenait 3 ans et demi à Bordeaux. Quand il est arrivé, on s'est vu et il était aux anges, quoi. On s'est croisé au château, on a mangé ensemble. Il me dit, mais dès que Bordeaux a manifesté son intérêt, pour moi, c'était genre tu allais à la guerre et tout abandonner là-bas pour arriver ici. Il est hyper content. Donc, c'est un mec avec cet état d'esprit-là et s'en priver, j'ai trouvé bizarre de la part de Poyet. Après, bon, ça a permis l'éclosion de Koundé qui a montré des choses intéressantes. Mais de là à ne pas du tout le faire jouer, c'était, je sais pas. Après moi. Il est prêté, il revient au mois de juin. L'histoire peut pas se finir. Je pense qu'il reviendra. Il va venir en force. Ça peut pas finir comme ça. Non, mais c'est vrai. On a eu beaucoup de mecs du cru, dont toi, Pierre, qui ont eu des belles carrières à Bordeaux, des longues carrières qui sont restées plein d'années. On va pas tous faire la liste, hein, mais il y en a eu un paquet entre Duga, Marco, Planus. Enfin, il y en a eu un pagaille. Moi, en tout cas, je trouverais ça un immense gâchis que Paul Bayce s'inscrive pas dans ce. Reviendra à la fin de son prêt, hein. Ouais, je pense qu'il faut qu'il revienne et puis il faut qu'il ait du temps de jeu. Si Ricardo est amené à rester, alors après on sait pas ce qui va se passer, mais. De toute façon, dans tous les cas, il est prêté sans option, donc. Ouais, il va venir, ouais. Voilà. Donc de toute façon, il reviendra. Après, il faut trouver. Pour qu'il parte, il faut aussi trouver un club qui rachète ça, qui fasse un transfert. Lui, il accepte. Enfin, il faut. Bordeaux a mis des sous, il faut. Oui, Bordeaux va pas le laisser partir comme ça. Gratuitement, et il faut trouver un club aussi sur un mec qui aura 32 ans qui le fasse signer. Paul, il faut savoir qu'il restera encore 2 ans de contrat. Il va pas non plus s'asseoir dessus, d'autant plus qu'il aime bien le club et tout. Je pense qu'il va se redonner les moyens de réussir à Bordeaux, même s'il avait qu'une saison blanche ici. Hein. Oui, puis de ce que tu nous as dit, il avait vraiment à cœur de réussir et de montrer. Paul, son dernier challenge sportif de sa carrière, c'était après avoir découvert plein de choses, après s'être remis de 2 croisés successifs, après avoir vécu plein de choses positives et négatives. Son dernier challenge, c'était d'avoir la chance de pouvoir s'imposer dans son club, dans sa ville. Donc voilà, je pense qu'il, tant qu'il n'arrêtera pas, il ne se l'enlèvera pas de la tête. Bah écoute, c'est tout ce qu'on lui souhaite, en tout cas, parce que de ce qu'on a pu voir rapidement, ça a l'air, enfin, je parle surtout de ce que moi je connaissais de Saint-Etienne, de Nice, là où il avait été très bon, et puis ça a l'air d'être un mec voilà, qui est vraiment attaché à son club, à sa ville, donc on peut lui souhaiter que de la réussite. Pierre, on va également te souhaiter un prompt rétablissement, quand même. Quelques buts. Ouais, merci, ça va, c'est pas trop grave, ouais, ça va vite passer. C'est quand même toujours un petit peu voilà, ça te fait louper quoi, 2-3 matchs là. La béquille, c'est qu'il a attendu, tu vois, les mecs en CFA, ils savent que c'est Pierre Ducasse, du coup. Ils me sous-estiment, mais je vais encore vite. Hein. Ah oui, alors tiens, juste vraiment la dernière question. Est-ce que quand justement on se retrouve, quand on est un ancien pro, qu'on se retrouve face à des semi-amateurs, est-ce que des fois on n'est pas la cible un peu de certains qui veulent se dire tiens je vais me le faire quelques conseils à Mabouba. Alors ça c'est plus valable pour quand on joue dans un club pro et qu'on redescend avec l'équipe réserve pour gagner du temps de jeu parce qu'on est encore en activité dans le monde pro, mais moi à l'heure actuelle quand je joue contre des joueurs de 19 ans ou de 20 ans il y a 10 ans comme ton collègue dans le studio fantôme, qui a 15 ans ils connaissent pas forcément donc sur ça j'ai aucun souci. D'accord, ouais, non, parce que des fois bon tu sais honnêtement j'ai pas de souci avec ça. Bah écoute, c'est même pas plus mal comme ça. Donc ouais. bon rétablissement Pierre, bonne saison avec le Stade Bordelais. On va te souhaiter évidemment. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette saison avec le Stade? Qu'on prenne du plaisir et un maintien tranquille. Une petite Coupe de France, un petit Paris. Ouais, un petit maintien tranquille. Ouais, un petit parcours en coupe, ça peut être sympa. Un petit parcours en coupe, ça serait pas mal. Contre Paris, ça serait top, franchement. Un petit Stade Bordelais, Girondins, délocalisé au Matmut. On boucle la boucle. Là, moi, j'avais même envie qu'il joue contre Marseille à Galice et qu'il marque. Qu'il mette la même contre Marseille. Ah putain, un Stade Bordelais Marseille, mon pauvre. Là, ça serait magnifique. Par contre, il va falloir rappeler Chamac et Aubertin parce que je crois que c'est eux qui sont sur le but. Merci vraiment. Merci beaucoup Pierre d'avoir passé ce petit moment avec nous. Avec plaisir. Bonne continuation à toi, bonne chance pour la suite et puis on va suivre très attentivement les résultats du Stade Bordelais. Merci à vous et bonne fin de Merci Pierre. Merci. À bientôt. Ciao. Très sympa. Ouais. Très posé en plus. Très cool, va, très sympa. En plus, il fait des vannes et tout. Il fait des petits jeux de mots. Ah, bon gars Pierre Ducasse. Vous pourrez retrouver évidemment l'intégralité de cette interview. Alors, on a débordé un petit peu, on avait dit 9h, on a fait 10. Ouais. Bon. C'est pas grave. On a commencé un petit peu en retard, il y a eu la coupure. Donc vous pourrez retrouver cette interview quand on aura fait le podcast évidemment sur Twitter, Facebook, on vous mettra ça sur tous les réseaux. Et sur le... C'est quoi le site des podcasts, Marc? Je m'en rappelle jamais. archive.org, ah, mais archive.org. C'est tellement plus simple de passer par G33 ou. Parce que je pense qu'il y a tellement d'archives. C'est ça, il n'y a pas que GA dessus. Si c'est pas notre site, donc. Faites pas du mal à aller directement sur Messieurs, musique qui fait peur. Oh, musique qui tremble, musique qui fait peur, musique de Ligue 1. Puisqu'on va quand même parler de ce qui s'est passé hier après. Bah oui, c'était un match sympa. Bah oui, on a encore 40-50 minutes d'émission. Tranquille, on se fait 25 minutes, une demi-heure Bordeaux-Nîmes. J'ai quand même des trucs à dire, ouais, on finira sur Prague. J'ai 2-3 petites infos là qui sont tombées, je voulais des petites réactions, je vous ferai réagir dessus. Donc, Bordeaux-Nîmes, musique qui fait peur. Qu'est-ce que je disais avant qu'on ait Pierre Ducasse ? Oui, donc 3-3. 3 buts bordelais marqués par Jimmy Briand, doublé à la 26e, 56e et Samuel Kalou, 57e minute, son premier but en Ligue 1. Pour Samuel, est-ce que Kalou a déjà marqué non avec Bordeaux? Il avait marqué en Coupe d'Europe? Non. Jimmy Briand et Kalou, c'est leur premier but. Non, Kalou avait tapé un poteau. Mais si, il a marqué le penalty. Ah ben non, il a raté le penalty et c'est Briand qui le met. Oh la vache, ouais. Non, attends. Non, Briand c'est. Je mélange Monaco et la Gantoise. Les deux, c'est leur premier but en Ligue 1 avec Bordeaux. Ouais. Exactement. Mais donc Kalou, il marque contre Monaco. Non, c'est son premier but. C'est Camano. Je mélange tout dans ma tête. Bah, il met trop de K, trop de loup, trop de trucs. Alors messieurs, donc Marc disait tout à l'heure avant qu'on se lance les occasions, je suis déçu parce que voilà, tu mènes deux fois face à un promu chez toi et tu fais quand même 3-3, ce qui on peut pas lui donner complètement tort non plus sur ce coup-là. Mais quand même, certes, on a mené 1-0, on s'est fait rattraper, on s'est même fait passer devant grâce à un magnifique coup franc d'Antonin Bobichon. Pleine lulu. Bordeaux a su réagir quand même, alors certes en une minute, mais Bordeaux a su réagir en mettant le feu par Jimmy Briand, en termes d'une magnifique action collective, tout comme le premier but d'ailleurs, et un exploit individuel de Samuel Kalou. Et derrière, il y a cette erreur de marquage, de placement. La défense qui n'est pas alignée, Palencia qui couvre, Levchouk qui monte, Palencia qui couvre. Et Bozok s'en va tromper Benoît Costil. Des regrets final tu te dis bon allez. Sur le match 50-50 quand même. Parce que ça fait chier de faire nul contre Nîmes. Et on aurait même dû perdre hein, parce que Nîmes il tape le poteau. Vous étiez pas là tous les trois vendredi quand on a fait les pronos. Que ce soit Cyril, il y avait qui Adrien et Thibaut. Nîmes, le promu, j'aurais dit les enfants, vous avez jamais, pour dire ça, vous avez pas vu jouer Nîmes une seule fois de la saison. Ils ont fait des beaux matchs, Nîmes a fait hier soir ce qu'ils ont fait face à Paris, Marseille, Angers. Partout où je les ai vus jouer, ils ont toujours fait ça. Ouais, même à 2-1, ils ouvrent le jeu en fait. T'es promu, tu mènes 2-1 à l'extérieur et encore tu fais péter des jeux. Ils avaient 4 ou 5 absents. Savanier qui s'est fait expulser. C'est ça, Bonga, Diallo, leur milieu de terrain. Enfin, je veux dire, les mecs, quand même, c'est une équipe. T'es là, oh, tu te dis, putain, ils vont tenir toute la saison comme ça. J'espère pour eux. mais c'est surtout, on a vu un match ouvert parce que Nîmes aussi n'est pas venu comme on verra, rassurez-vous, hein, Angers, Dijon, Amiens, Reims, quand ça va venir. Ça va être deux lignes de 5. Angers en hiver. Triple tour, ric-rac, merci, au revoir. Grand ballon devant, plus Angers qui reprend son attaquant Endoy. Le tout grand, du coup, alors là, ça va être catastrophique. Non, mais voilà, je veux dire, c'était un match qui, à la base, bon, perso, je pense que personne aurait misé sur un match nul, peut-être, mais pas un 3-3. Ouais, ça va. On a trouvé un côté droit. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Palencia Kalou, voilà, il va falloir trop y toucher jusqu'à que ça aille moins bien, mais pour l'instant, ça va. Briand, il est en train de s'installer aussi tranquillement devant. Le milieu de terrain, par contre, le problème, c'est qu'on a recruté un mec qui va être au final le numéro 2 de Briand. Et s'il continue à marquer. Si tu veux, j'ai deux choses en fait. C'est quelle est l'animation qu'on veut mettre en place. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est qu'on a fait rentrer Cornelius, c'était long ballon devant. D'ailleurs, je suis persuadé que s'il y a 3-2, il n'y a pas Cornelius devant. Tu n'as pas Costil qui t'envoie un espèce de parpaing devant qui sert strictement à rien, à rien. Il y a 3-2 pour toi, tu viens de récupérer la balle sur un corner, tout ton bloc est dans tes 30 mètres, ça servait à rien. Et le problème, c'est que du moment qu'il y a eu Cornelius devant, on a balancé des longs ballons devant qui servaient à rien et qui nous ont fait plus de préjudice et qui ont été plus néfastes qu'autre chose. Donc, le choix de Briand, Oui, mais après, j'ai quand même du mal avec un joueur qui n'ait pas la capacité sur certains matchs de peser physiquement devant. Donc, pour moi, il y a une animation à trouver. Le problème, c'est que pour moi, je consiste à le dire, Kalou, Kamano ne sont pas enlevables de ce 11. Et dans la mesure où ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas jouer autrement qu'avec 3 attaquants. Ou alors, ça serait 4, comme on l'a fait en fin de match. Empiler les attaquants, ça sert pas forcément à quelque chose. Donc, il va falloir qu'on se pose des questions sur cette animation offensive. Qu'est-ce qu'on veut réellement faire? Et quel est l'objectif? Après, il y a les matchs de Coupe d'Europe, ça va permettre de faire tourner. Sauf que quand on parle de tourner, ben sur un match comme ça où on est sûr que Basic jouera pas au prochain match, pour moi, c'était le bon moment de le mettre. C'était le bon moment de le mettre. On avait besoin d'un petit peu de fraîcheur, de vivacité sur ce match-là. Sankaré, il a marché pendant 90 minutes. Alors ah oui, fait une belle passe D, mais c'est tout ce qui fait du match. J'ai pas compris comment l'équipe a pu mettre 8. 6. Enfin c'est Girondin Faveur qui a mis 8. J'ai pas compris. On a 7, je sais plus, enfin une très bonne note alors que moi il m'est sorti des yeux tout le match. On peut avoir vu un match différent, je peux me tromper. Lohager, Plasil, jamais dans les bons coups. Leshouk, jamais dans les bons coups. Toujours en retard. Pungé, il nous a fait un non-match. Donc, en regardant l'attaque, je me dis que il va vraiment falloir qu'on décide qu'est-ce qu'on fait dans la ligne de 4 défensive et dans la ligne du milieu pour savoir qu'est-ce qu'on fait devant. Et si tu peux niquer le moustique qui est juste devant toi, là, ça serait juste génial. Voilà. Donc, truc. Oui, parce qu'il y a un petit malin qui avait laissé la porte ouverte. Et voilà, on n'ira pas qui c'est. C'est toi. Jean, c'est un papa. C'est le papa d'un autre sur la table. Voilà, c'est. Ah oui, mince. C'est un petit peu problématique. Moi, ce match-là, il me rassure pas du tout parce que quand tu mènes deux fois, tu peux. J'ai envie de dire, il met un beau coup franc, même si je pense que le gardien doit se douter qu'il la met là. Je préférerais qu'il anticipe pour la sortir. Pour moi, elle est pas insortable. Mais bon, on peut la prendre, c'est pas un scandale. Mais après, tu prends le deuxième but que tu prends, c'est une farce. J'ai l'impression de voir le but qu'on prend l'année dernière contre Vidéoton, au match aller. On prend le même, exactement le même. Tu perds le ballon, alors que t'as la possession. Je crois que tous les joueurs bordelais avaient touché le ballon. Sankaré te fait une fausse passe, tu perds le ballon, tu prends un but, personne au marquage, personne n'est attentif. Ton gardien, il doit essayer d'intercepter le centre, il fait pas ce qu'il faut. Et tu prends un troisième but où c'est une succession encore de mauvais choix. C'est, comme j'ai dit, Costil qui est dans sa surface, personne n'est remonté, qui balance un long parpin à je ne sais qui, parce qu'en plus il vise aucun bordelais. Peut-être de pantouche. Non mais il vise aucun bordelais. Si c'est un moment où tu es en pression, il faut que tu récupères le ballon, tu peux calmer ou tu dois jouer la montre, tu balances un long ballon devant. Derrière, la défense, pas organisée du tout, il n'y a pas un patron derrière. Leshouk, il fait pas le bon choix, à mon avis, au vu des 4 qui étaient avec lui. Pungé, de toute façon, je crois qu'il était sorti, mais il avait fait un non-match avant. Koundé, il a quand même besoin d'un petit peu de sérénité au vu de son âge. Il a un mec qui est pas en forme et un mec qui a été transparent pendant 90 minutes. Donc, et après, t'as un gardien qui, toute la saison, a été à 40 mètres de sa ligne de but et qui l'a escoché et qui n'est pas du tout, qui fait pas du tout le bon pressing, qui est pas dans son match. Enfin, ça, il s'est fait siffler à la mi-temps. Alors, je sais pas ce que les supporters ont dit. Je sais pas si les supporters ont raison, mais quand tu perds 2-1 je vois pas à domicile, tu le siffles à la mi-temps et Costil il fait quoi de mal en première mi-temps, quoi. Moi ça commence à me saouler, ce délit de sale gueule. Laisse-moi finir. Tout ça parce que les abrutis, tu sais, qui vénèrent le sacro-saint Carrasso, Carrasso il aurait sorti. Non, parce que je l'ai entendu à la mi-temps ça. Carrasso il aurait sorti ça là, mais ferme la gros tas de merde, sérieux. Tu sais, les mecs sans déconner, moi ça me supporte. Tu sais que je trouvais déjà Carrasso. Je parle pas de toi. Pas forcément. Non, mais je trouvais déjà Carrasso. Mais encore, c'est ce que. Ah, mais j'en ai chopé deux encore là à la mi-temps, ça m'a gonflé. Je trouvais Carrasso pas génial déjà quand moi je l'aurais pas gardé. Je trouvais Costil plutôt un bon choix. Mais au-delà de ça, Costil est loin d'être irréprochable depuis le début de saison. Pour moi, sur le deuxième et le premier, il a aussi le droit de les arrêter parce que pour moi, il n'est pas déterminant. Non, mais je suis désolé. Pour moi, Costil sur les matchs. Ah oui, j'ai entendu aussi que Bernardoni, il aurait été meilleur que Costil. Vous voulez qu'on les revoie, les buts bordelais? On va voir si Bernardoni, il est irréprochable aussi sur ce match-là. Laisse-moi finir. Ah, mais ça va. Non, mais c'est que ça te rende fou, ça. C'est ton choix. Moi, je trouve que Costil n'est pas déterminant. Il est fautif sur le troisième. Je pense que quand tu n'es pas bon, parce que je trouve que Costil n'est pas bon depuis plusieurs matchs, tu te tais. Arrive un moment, Tu te tais. Mais il dit tu quoi te tais. Il a rien dit quoi? Non, après, il va se laisser comme... chier dessus. Il va se laisser insulter alors. Il faut pas qu'il réponde. Ouais. Les gens l'ont insulté. Il faut pas qu'il réponde. Oui, parce que quand. Bah, écoute, si t'as envie de te bêter, toi, on va te chier dessus à ton travail. Si on va voir si tu vas pas répondre. C'était Camano, ouais, arrêter, si c'était, bon, si c'était Camano qui a été dans la même situation, tu aurais défoncé Camano. Non, absolument pas. Ah non, non, non. Je te promets que non. Des podcasts, c'est déjà arrivé. Je défonce Camano, pas sur son atti. Il se fait insulter, il répond. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais pour moi, Camano, si on l'insulte, il a le droit et il doit répondre. Je suis désolé. Il a l'art de toutes les mauvaises interventions en conférence de presse. Ah, mais on n'est pas en crise, etc. Mais on va bien avec ça. Non, mais on n'est pas bien. On n'est pas bien. On est 19e de Ligue 1. T'as gagné un match contre Monaco, mais Monaco a l'air de pas mettre un pied devant l'autre dans tous ses matchs. Je te rappelle quand même que tu n'avais pas été non plus énormissime en Coupe d'Europe et que tu es passé difficilement grâce au bon temps contre, sur ton dernier tour préliminaire. Tu n'es juste pas bon en ce moment, tu as été nul contre Rennes, tu perds contre Reims à la mi-temps, putain mais taisez-vous, s'il faut vous taire, mais taisez-vous. Arrivé à un moment, le problème c'est que plus tu fais de sorties médiatiques, plus tu les fais à côté de la plaque, plus tu vas te faire conspuer. Bah, plus tu vas te faire conspuer. Toi tu mets ça sur ça, moi je mets ça sur le dos du délit de sale gueule et j'en suis mais non, mais il y a un délit de sale gueule. Les gens sont sauf bêtes, que moi à la mi-temps, voilà, moi je vais pas chercher plus loin de ça, les gens sont idiots. Moi voilà. Je trouvais par exemple que ceux qui avaient sifflé à la mi-temps étaient largement dans leur droit de siffler à la mi-temps, qu'il y a aucun bordelais qui a été bon. Donc après vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez, de me dire oui, mais faut pas les siffler, mais machin, mais bidule, mon cul. Non, mon cul, ils ont été tous nuls. Je dis pas qu'il faut pas les siffler, je dis que d'ailleurs c'est Laurent le très bien qui l'a très bien expliqué à Mais je suis pas d'accord avec Laurent. Donc je sais même pas pourquoi je veux voilà, il a complètement raison, je suis désolé. Tu as le droit de siffler oui, mais à un moment donné, c'est la mi-temps, il y a 2-1, OK. Et si on le gagne le match, t'as l'air d'un con, t'as l'air d'un gros con, mais t'as non, l'air d'un gros blaireau, et mais non, parce que peut-être que si tu as montré ton mécontentement, non, ça a eu aussi l'incidence sur le fait que les joueurs se révoltent. Ça, je vous rassure, les joueurs n'en ont strictement rien à branler de ce qui vient des tribunes, rassurez-vous. Ah, mais ils en ont tellement rien à branler qu'ils répondent. Rassurez-vous. Ah, mais ils ont tellement rien à branler qu'ils répondent. À l'insulte, oui, évidemment. Mais toi, c'est pas qu'à l'insulte. C'est pas qu'à l'insulte. Si je t'insulte, tu vas me répondre, tu vas pas dire ah oui. Tu sais même pas ce qu'ils ont dit. Ça se trouve, ils ont dit qu'il était mauvais. Tu sais même pas ce qu'il s'est dit. Bon, je pense qu'ils ont pas dit ça, mais. Je pense qu'ils ont dit que t'es mauvais quand même. Thomas, Rémi, on vous a pas entendu sur Nîmes. Bah, moi, je trouvais franchement le milieu, il était inexistant hier. Franchement. Est-ce que c'est pas le problème depuis le début de saison quand même, le milieu de terrain? Parce que. Mais ils ont parlé en fin de mercato de prendre un milieu créateur. Mais je pense qu'ils auraient vraiment dû en prendre un. Sur le point de vue défensif déjà, parce qu'avant de parler de l'offensif, moi ce qui m'inquiète, c'est les vagues qu'on prend. Ah oui, c'est vrai que tu crois sur FIFA. Quoi, offensivement, moi ça va. Offensivement, ça va. Tu mets encore 3 buts là, ça va. Mais c'est défensivement, moi que. Mais le problème, c'est que déjà son carré ne revient pas défendre. Donc déjà, on joue plus quasiment qu'à 2 milieux. Avec Plasil qui se fait bien vieux et qui a du mal à courir. Certes, il y a le Rager, il court, mais bon, c'est tout ce qu'il sait faire. On va dire, et puis après, t'as. Moi, alors, je l'ai pas trop. Franchement, je l'ai trop. Choisir entre Plasil, Sankaré, qui ont été complètement, qui sont passés complètement à côté. Le Rager était le plus mauvais. Le Rager, moi, je trouve qu'il a. Mais non, parce que moi, entre des joueurs qui sont nuls, qui font pas un bon match, mais qui ont fait en sorte d'essayer de faire un bon match, j'ai moins de mal à leur en vouloir qu'un joueur qui, pendant 90 minutes, a marché. Non, mais c'est Sankaré, là, qui me dit. Oui, mais Sankaré, pendant 90 minutes, il a marché sur le terrain. Je te parle de Le Rager, je te parle pas de Sankaré. Alors, je refais. Je préfère un Lorager et un Plasil qui ont été nuls, mais qui ont fait de leur mieux, entre guillemets, même s'ils ont raté leur match, plutôt qu'un mec qui rate son match, mais qui en plus marche sur la pelouse. Ah oui, non, mais c'est d'accord. Donc voilà. Donc, moi, j'ai préféré le match de Lorager et de Plasil plutôt que celui de Sankaré. C'est, arrivé à un moment, sur ce match-là, il fallait te dépouiller. On sait que les mecs vont te rentrer dedans. On sait que Bordeaux n'a juste pas le talent nécessaire pour prendre son adversaire de haut, mais tu prends ton adversaire de haut, donc tu te fais sanctionner. Et franchement, la Ligue 1, c'est simple. C'est l'équipe, à part contre Paris, c'est l'équipe qui en veut le plus qui gagne. C'est pas dur. La Ligue 1, ce n'est pas dur. Et la preuve, au moment où tu décides de mettre le pied sur le ballon, t'en mets deux consécutivement. Tu en mets deux consécutivement. Parce que tu as quand même, et je suis d'accord avec Lucas, tu as quand même une équipe qui tient la route. Sauf que cette équipe qui tient la route n'a juste le droit à aucune largesse. Ils doivent être à 100% tout le temps. Après, on a, sur le match-là, les buts qu'on prend, je suis désolé, c'est que des successions d'erreurs. Le premier but, on a la balle, on est tranquille. Mais un but, Marc, c'est toujours une succession d'erreurs, et nos buts à nous, c'est une succession d'erreurs nîmoises. Non, parce que par exemple, je pense que le but de Briand, l'action de Bordelaise, est quand même, se joue à une touche de balle, et arrive un moment quand un but est beau, tu joues pas contre des plots, donc quand l'adversaire fait ce qu'il faut, il marque. Le but de Kalou, bah, le il but est beau. De Kalou, je le vois là, c'est deux défenseurs nîmois qui se taclent eux-mêmes et qui laissent passer Kalou. Voilà. Oui, bon, mais c'est une erreur. Après, il dribble bien. Non, mais je te promets, j'exagère pas, je le revois là. Il dribble bien, il fait. Oui, il fait le dribble. Je suis d'accord. Voilà, non, mais voilà, arrive un moment, enfin, le meilleur, il est plus rapide, meilleur que toi, plus technique, il t'a enrhumé. Point barre. Sauf que sur les buts qu'on prend, que ça soit je vais pas mettre le coup franc. Le coup franc est beau. Voilà. Ah, le coup franc, le deuxième et le troisième qu'on prend, je veux dire, quand tu as le ballon, tu vois, quand je parle de vraie erreur, quand tu mènes 3-2, qu'il reste 10 minutes, que tu viens de récupérer le ballon sur un coup franc, 15 minutes avec les adjoints, pourquoi tu dégages comme si tu perdais 2-1? Tu vois, et là, tu rends le ballon à l'adversaire, t'as du mal à le récupérer, tu le rends aussitôt. Je veux dire, ça, c'est quand même des erreurs qui, à ce niveau-là, ne sont pas pardonnables. Quand tu n'es pas pressé, que tu fais une passe en touche, que tu te replaces pas, que t'as personne qui est au marquage et que tu prends un but, c'est quand même un autre signe d'erreur. Je veux dire, Leschouk, quand tu récupères 26 ballons, mais que t'en perds 17, Koundé, il perd 14 ballons, il en récupère 18. Je veux dire, quand t'es deux latéraux, c'est-à-dire quasiment une relance sur deux. Alors, c'est pas vrai parce que les passes réussies sont plus hautes. Mais que quand tu perds autant de ballons, c'est problématique. Alors, je sais pas pourquoi, Palencia, il a zéro ballon joué, zéro ballon gagné. Oui, enfin, l'autre jour aussi, il y avait une ligne de stats sur, c'était sur Palencia aussi, le match de... Ouais, je crois que il avait tout à zéro. Bon, alors, j'ai un peu de mal à citer les stats de l'AFP, parce que Kalou aussi, il a zéro. Bon, j'ai pas cité les stats de l'AFP. Ouais, Kalou et Palencia et Cornelius aussi, il a tout à zéro. À un moment, il faut que les opportunités dans le match soient saisies quand il faut. Ça a été fait. Quand c'était offensif, mais il faut aussi savoir faire le dos rond. On fait tous les choix pour prendre des buts. Je crois qu'il faut plus qu'on se fie au stade de la LFP parce que Benoît Costil, j'ai 3 arrêts. Bon, ok, d'accord. 18 ballons détournés. Ça veut dire que potentiellement, Nîmes, ils ont frappé 22 fois au but. Non. Moi, j'y crois pas une seconde. Il a pas fait autant d'arrêts. Hein. Je te le dis direct parce que sinon, on dirait pas c'est du match. Non, mais sans même parler de ça, c'est pas possible. 18 détournés, ça veut dire que 18 fois, c'était cadré, au moins. Et moi, dans leur stat, là, ils me mettent Nîmes 15 tirs, 5 cadrés. Par exemple, tu vois, le premier but qu'on prend. Passe pourrie de Lohrager. Ok, mais la balle, elle va là en touche. Ben non. Pungé, il la sort. Il la sort comme s'il y avait un besoin vital de la sortir. Eh ben, plus personne au marquage. Allez. L'autre, il enrhume, je sais pas qui, je pense que c'est Pungé qui prend misère et Koundé qui le rattrape pas derrière. Non, c'est Sankaré qui filme complet. Franchement, non, il la sort pas, il relance. Non, mais après. Pungé, il la sort pas, il fait ce vieux tacle. Oui, non, mais je te dis après. La touche. Oui, c'est ça, je te dis. Non, mais après, quand je te dis que Sankaré, il filme et que l'autre, il lève la main, enfin, c'est que des mauvais choix, que des mauvais choix. Que c'est ça. Vrai que Pungé, il veut sauver la touche parce que pourquoi c'est une, il veut c'est sauver une passe. La touche, bah, parce que c'est une passe de son copain et que s'il veut pas concéder la touche. Sauf voilà, que, après, bon, le coup franc est juste parfaitement tiré. Par contre, attention, parce qu'on a failli en prendre un deuxième aussi. Et Marc, moi je veux bien que tu me dises Costi, il peut arrêter le premier. Mais pour enfin, moi, le joueur il tacle à 1 mètre du but, pied en avant, et tu veux qu'il sorte le ballon. Mais enfin, en fait, sur si tu veux, ce qui me dérange, et c'est un petit peu le même. Enfin, sauf que pour Bernardoni, c'est juste pas possible si jamais tu dois te jeter. C'est l'inverse, parce qu'en fait, tu sais très bien que tes défenseurs ne peuvent pas tacler vers ton but. Mais toi, avec la détente, tu dois. T'allonger. Après, j'ai envie de te dire, les deux buts qu'il prend, je tiens pas à rigueur des deux buts qu'il prend. Le troisième, à la limite, je veux bien. Mais le troisième, pour moi, il est pas normal. Même le dégagement loin devant, il est débile. Ce dégagement loin devant, il est débile. Même si c'est pour Kalou, c'est débile. C'est débile. Prends pas un risque. Pourquoi tu prends un risque? Alors, je te dis pas qu'après le reste, c'est folklore. Et je te dis qu'au départ, l'action, il est sous sa ligne. Alors que tous les non, matchs. Non, franchement, alors une fois de plus, on va pas être d'accord. Bon, enfin, après, on est pas là pour débattre non, de tous les buts. Non, pourquoi c'est débile? Il voit Kalou qui lui fait l'appel, qui part en profondeur, il rejoue vite sur Kalou. Mais pourquoi tu joues vite? Mais quoi, pourquoi? Mais parce qu'il voit, mais parce qu'il. Mais ça sert à quoi, mis à part rendre le ballon adversaire? Mais combien de fois dans un match ça marche? Putain, pourquoi tu prends un risque débile? Il n'y a pas 2-2. La sortie, je veux bien, le dégagement. Il n'y a pas 2-2. Il voit son attaquant qui part. Il n'y a pas 2-2. Il n'y a pas 2-2. Et alors, tu peux les tuer à 4-2. C'est interdit de les crever 4-2. On n'a pas le droit. Ah non, mais c'est pas ça. Oui, au final, il y a 3-2. Y a 3-3. Bah après ça, je suis d'accord avec toi. C'est pas là, t'as pas l'effet escompté. Oui, mais c'est bête. Jeune homme. Ouais, mais après, pour revenir sur. Donc, pour changer de sujet. Sans compter qu'il y a des erreurs entre temps derrière, entre le dégagement et. Oui, mais bon, c'est une succession d'erreurs. J'ai pas arrêté de parler de succession d'erreurs. Il n'y en a pas qu'un qui est fautif. Pour changer de sujet, en parlant de Cornelius, moi, je l'ai trouvé vraiment pas du tout affûté. Je l'ai trouvé lourd. Alors ça aussi. Affûté et affûté. Alors, ça aussi. Parce que ça aussi, je l'ai entendu. Pour qui? Cornelius. Cornelius, on ne l'a pas pris pour sa pointe de vitesse. Cornelius n'attend pas, mais. Il fait 1m87, 88 kg. C'est Jack Diabaté, Cornelius, sauf qu'il fait 10 kg de plus que Jack Diabaté, ou 15 kg de plus. Ne croyez pas que Cornelius, c'est Didier Drogba, les enfants. Cornelius, il va pas courir vite. Hein. Cornelius, c'est ton point d'appui. C'est Olivier Giroud, hein. C'est ton point d'appui. Le problème, c'est qu'il a pas pris un ballon à la tête hier quand il est déviation, droite, gauche. Et ça, par contre, ça me pose plus de problèmes. C'est-à-dire qu'il est très grand. Par contre, il a une détente de merde. Dans le stade, les mecs, ils étaient là. Putain, il a la charrette. Oui, on l'a pas pris pour qu'il court vite. Oui, par contre, on l'a pris pour qu'il prenne des ballons de la tête. Et par contre, là où je suis d'accord, c'est que niveau détente, il saute pas haut, le garçon. Il fait 1m93. OK. 91 kilos. Donc le mec, tu sens qu'il est quand même un peu lourd. Mais il saute vraiment pas haut. Regardez sa détente. C'est pas un Marouane Chamakh, hein. C'est un physique. C'est-à-dire que dans la surface, je pense que sur les corners, sur les coups de pied arrêtés, dans la surface, il faudra le bouger. Il va être chiant à marquer. Je pense que c'est un garçon qui doit être super chiant à marquer. Dos au but, il doit être relou, oui. Dos au but, il doit être super relou à prendre. Parce que mon gars, quand t'as une masse qui fait 1m96, 80, combien? 91 kilos. 91 kilos. C'est pas 91 kilos comme moi où t'en as la moitié sur le bide de devant. C'est 91 kilos, mon pote. De masse. Voilà. Faut se le trimballer. Donc c'est toujours pareil, on prend des joueurs, mais il faut savoir pourquoi on les prend et dans quelle façon de voir. Cornelius, moi, je sais plus qui c'est qui disait tout à l'heure, on n'a pas lancé devant. Mais moi, ça me choque pas qu'on balance des grands ballons devant sur Cornelius. Moi, ça me gêne. Ce qui me choquerait, c'est qu'on fasse péter des ballons à ras du sol en profondeur à Cornelius et des grands ballons de la tête devant à Briand. Oui, ça me choquerait. Parce que l'inverse, ça serait plus logique quand même. On l'a déjà fait avec Briand. En fait. Non, mais oui, surtout qu'on l'a déjà fait avec Briand. Tous ceux qu'il fallait pas le faire. Briand, Depréville, Laborde, tous les mecs qui. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ça me choquerait. Que tu balances devant sur Cornelius, ça me choque pas. Il a le gabarit. Il est censé être là pour ça. Tu vois? Tu fais des ballons en profondeur à Jimmy Briand parce qu'il a la vitesse, il peut prendre un défenseur de vitesse. Après le truc, c'est intéressant, c'est de mettre Cornelius en bonne fixation là, Giroud, et mettre Briand autour qui tourne. Après, ça serait la petite solution. Ah ben ça, c'est mon rêve absolu, ça, de voir une attaque à deux attaquants. Mais à mon avis, je pense que je vais attendre un petit moment avant de. Nous sommes de Bordeaux, monsieur. Oui, on est Bordeaux et on a Ricardo. Donc à mon avis, l'attaque à deux. Défense à 5. Si, ça sera ou alors une équipe pour jouer les contres. Genre, t'auras une grosse, un gros milieu récupérateur à 3. Et puis derrière, après, tu feras peut-être si ça sert de point d'appui comme à Giroud, ça peut être intéressant. Si ça marche comme ça, pourquoi pas. Qui c'est qu'on a. De qui on n'a pas parlé encore dans. Ah ben attends, si, je suis désolé. Il y a un mec dont on n'a pas parlé et c'est l'homme du match. Briand. En dehors de Jimmy Briand. On va parler des deux d'ailleurs, c'est Kalou surtout. Jimmy Briand, Marc, qui a un bon souvenir. Kalou, il fait un match. Alors, Camano, un peu effacé, mais bon, quand t'as. Deux de tes trois joueurs offensifs qui brillent, c'est moins grave si sur ce match-là il est un petit peu en retrait par rapport aux deux autres, c'est pas bien méchant. Mais Kalou, les enfants, ça commence à sentir la bonne pioche quand même. Ouais, dans Briand, c'est pas une surprise, on connaissait. Briand, je veux dire à un pote qui m'a dit avant le match, ouais, Briand, de toute façon, un connaisseur du football, à chaque fois qu'il dit qu'un mec fera pas un bon match, Briand m'a doublé. T'es sûr que c'est un connaisseur du football? Donc si m'écoute, c'est peut-être un connaisseur, mais du basket alors. Et pour revenir à Kalou, ouais, c'est vrai que Kalou, je pense que. Kalou, ça sent la bonne prochain, pioche. Hein. Je sens que la S Roma va revenir sous le coup. Et peut-être que ça sent Chelsea, le bon coup les enfants parce que là le garçon depuis déjà le premier match à Toulouse déjà il avait été chaud bouillant ouais, il commence à prendre ses marques là il te fait un puis match Camano il s'en rend bien j'ai l'impression donc, puis, et il galope pareil à la 92e minute qu'à la première je sais pas à quoi il tourne mais il a 19 ans mais ou 20 ans comme perdu casse pour non mais ce mec alors c'est dommage évidemment ses stats toutes ses lignes sont à zéro donc je peux même pas vous dire en fait il joue pas en fait c'est pas lui non mais franchement il fait un match hier il est impliqué sur les alors c'est 100 carrés qu'il la donne à Briand sur le premier donc, je crois qu'il était impliqué sur les 3 bon il est impliqué sur les 2 le deuxième but c'est un but 100% recru Kalou Palencia Briand olé non mais on voit des belles choses mine de rien le deuxième but il est très bien construit le premier pareil c'est une balle de Lehrhager en profondeur puis hop la petite balle de 100 carrés Briand qui conclut qui fait un peu un contrôle et qui joue super bien le coup Briand ouais, en fait qu'il est pas mal, ouais. Parce que arrêtez. Le ballon si tu veux ouais mais en fait j'ai revu cet après-midi vite fait bah tiens je l'ai encore sous le nez là si tu veux, la façon dont Sankaré lui donne, il y a une espèce d'effet, tu vois, qui lui ramène un petit peu trop vers lui. Donc il est obligé, il fait deux petits pas pour s'excentrer. Il fait deux petits pas sur le côté pour s'excentrer, pour pouvoir bien ouvrir son pied droit et pouvoir la mettre bien sur le côté de Berardoni et ça finit dans le poteau. Mais de toute façon, voilà, Briand, on connaît, enfin voilà, c'est un garçon, il va les mettre ses 10-12 buts sans problème, je pense. Alors, sauf s'il se blesse, évidemment, on va pas lui souhaiter, le garçon. Toujours du bois. ou que Cornelius lui prenne sa place et puis que voilà. Mais enfin voilà, Briand, c'est le mec sur les matchs comme ça. Alors malheureusement, ça a pas suffi parce que derrière, t'as pas fait ce qu'il fallait pour tenir le résultat. Mais Kalou, très bon, ouais. S'il grosse continue comme ça, le garçon, ça peut nous promettre des petits matchs sympathiques. Puis l'été prochain, un bon sac de sport rempli de billets. Non, mais ça, c'est pas grave. Mais voilà, c'est pas grave. C'est la politique du club, de toute façon, maintenant. Donc, ils seront cohérents. Hein, Mais s'ils en sortent comme ça à chaque année, ça peut être pas mal. Je suis prêt. Un petit Kalou, un petit Malcolm tous les jours. Ouais, après, si on pouvait le garder plus que 6 mois, ça serait bien. Oui. Ça serait pas trop mal. Alors, j'avoue que s'il continue comme ça. Moi, je ne connaissais pas du tout l'annonce. J'étais. Qui connaissait ça À part Cyril. À part Cyril. Cyril. Mais franchement. Enfin, Cyril, t'as. Cyril, entre ceux qui bien. C'est pour te dire s'il connaissait. Attention. Il a fait que 3 matchs. Hein. On verra ce que ça va donner sur la durée. Il a fait Toulouse, il a fait Monaco, il a fait la Gantoise, il a fait. Oui, mais on verra ce que ça donne sur la durée. On verra début sur la durée. Mais je veux dire, il y a des choses que tu vois dans le football, sans être technicien de ouf, sans être Mourinho ou Pep Guardiola. Un joueur qui court vite, c'est pas le problème de courir vite. Vous le savez, vous jouez au foot. Très technique. Voilà. Combien de fois en première mi-temps il s'est sorti dans un petit périmètre, il était cerné par 2-3 mecs. Souviens-toi des interviews de supporters. Il a fait un droit, un gauche, tac, il se libère du marquage. Souviens-toi de supporters de Gain qui te disaient aussi qu'il avait plutôt été décrit comme un tout droit, quelqu'un qui n'était pas toujours au top techniquement. Là, il a l'air de progresser. Peut-être que la pelouse aussi l'aide énormément à progresser. C'est vrai que ça a été beaucoup arrosé, le côté, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais le côté droit avant match et mi-temps a été énormément arrosé, plus que le côté gauche. Stratégie. Je pense que ça doit être un petit peu. Bon, c'est vrai que la pelouse ça aide aussi dans tes prises de balles, dans ta conduite de balle, ça aide bien. Mais ça, c'est un garçon qui, on peut dire, voilà. C'est plutôt une bonne pioche. Ça a été un bon travail de la cellule de recrutement. C'est pour l'instant, on en met plein la tronche tout le temps. On peut les féliciter, quoi. Pour l'instant, ça a été un bon truc. Il y a sûrement le petit Caramo qu'on verra jeudi soir. Qui d'autre on n'a pas vu encore comme recrue? C'est tout. Cornelius avec un peu plus de temps. Cornelius, parce que c'est pas les 10 minutes, et Bajic. En fait, tout le monde à part Briand, Kalou et Palencia. Attends, 3 sur 3. On va recruter 6. J'avais déjà oublié Palencia et Briand, putain. Petit Palencia aussi, je trouve qu'il a fait un gros match. Alors, évidemment, il couvre sur le 3ème. Il couvre pas que ça, c'est que quand tu n'es pas. Quand on voit les gens qui montent. Quand tu n'es pas en situation de jouer leur jeu, tu ne joues pas leur jeu. Et pour moi, je suis persuadé que les Chouks ne jouent pas leur jeu. Pour moi, il va intervenir sur le joueur. C'est ma vision des choses. Je me trompe peut-être, mais je ne vais pas faire ça. Après, sur le match de Reims. De Nîmes, et j'ai eu du mal, hein, j'ai dit Reims toute la semaine, mais je suis encore sur Reims. Ah ben moi j'étais sur l'OGC Nîmes. Il est inquiétant ce match-là, selon moi, parce que le problème, c'est que tu avais absolument besoin de ces points. Le calendrier qui attend les Girondins de Bordeaux, il est juste hyper compliqué à partir de maintenant. Parce qu'on va aller à Guingamp, ça va pas être simple. Si ça me coûte ça, après. Le calendrier, parce que je t'avoue que j'ai pas le truc sous le nez. Je vais te le donner, je suis en train, en même temps que je cherche. On joue le match contre Prague. Donc ça, c'est très mignon, mais c'est loin d'être. On se déplace à Prague. Et on se redéplace le dimanche. Donc c'est-à-dire que pour moi, c'est pas deux déplacements simples. Et après, tu reçois Lille. Lille qui est plein fer en ce moment. Tu vas à Reims. Les Reims aussi sont en forme. Donc. Enfin, Reims, c'est du niveau de Nîmes. Pour moi, c'est du niveau de Nîmes. Oui. Donc, mis à part que Guingamp. Sauf que ça joue beaucoup moins, c'est beaucoup moins ouvert que Nîmes. Tout le temps là-bas, donc. Oui, mais je trouve que l'ensemble, les enchaînements de matchs Copenhague-Nantes, on aurait, je pense, en gagnant contre Nîmes, vu les choses différemment. Le problème, c'est que tu restes sur une défaite contre Rennes où t'as rien montré. Contre Nîmes, défensivement, t'as été aussi nul qu'à Rennes, sauf que ben, Rennes est meilleur que Nîmes. Et derrière, tu sais pas trop comment tu vas les jouer tes matchs, parce que Slavia Prague, j'ai l'impression qu'on va faire tourner. Pour moi, ça me semble pas être une bonne idée. Et derrière, surtout tu vas de... quand on nous annonce qu'on joue la Coupe d'Europe, oui, on va la jouer la Coupe d'Europe. C'est pour moi, c'est compliqué. Là, on a 4 matchs. Le match de Slavia Prague va déjà être déterminant pour la suite de comment on va se comporter sur la Coupe d'Europe. Et alors après, t'as Guingamp, ouais. Lille-Reims, où normalement, on aurait dû se dire, ben, vu les chantiers qui arrivent avec Montpellier, Zénith, Nice, Lyon, Zénith, etc. On devrait se dire, ben, on doit viser 9 points. Ben, aujourd'hui, je suis désolé, hein, je suis plutôt sur 1 point contre Lille à domicile. 3 points à Guingamp et 1 point à Reims. Donc je me dis juste que si on en a 5, je serais content. Or que c'est pas du tout le discours qu'on doit tenir vu le classement actuel et notre retard, parce que notre retard, il est contre nos adversaires directs, il est contre Marseille, il est contre Lille. Et oui, il y a déjà cette année, en moins de 5 matchs, il y a déjà 6 points de retard. Mais part du principe cette année que tu batailleras pas avec Marseille et tu batailleras avec Saint-Etienne, Rennes, Lille, et peut-être Lille, mais il n'y a pas le feu. Il y aura le feu quand tu auras 7-8 points de retard. Oui, là, il y aura le feu, et encore même. Ouais, pas. Mais le problème, là, c'est que quand il y aura le feu, le discours qu'on tiendra, et comme il y a le feu, on joue pas l'Europa League. Sauf que moi, j'ai envie de faire une saison où on joue l'Europa League. Donc, pour jouer l'Europa League, eh ben, si on part du principe qu'on va jouer l'Europa League, c'est-à-dire qu'on va encore perdre des points, et je suis désolé, donc là, il y a le feu. T'as 35 joueurs, sous contrat, ou 30. Mais t'as 35 joueurs qui sont pas du tout du même niveau. Faut arrêter de me balancer les noms des joueurs. Ils sont pas parce que tous je suis du désolé. Même niveau, mais je pense que l'un c'est, dans l'autre, il y a moyen. Mais non, tu peux pas tenir ce discours. Il y a moyen de sortir un truc assez homogène. Tu peux pas tenir ce discours. Tu peux pas tenir ce discours. Gagic, personne lui fait confiance. On a vu que les Chouks, c'est très limite pour la Ligue 1. Jovanovic, l'année dernière, il a fait 6 mois totalement catastrophique. Pelnard, il est disparu des ondes de radar. Laisse-moi finir. Pour moi, Maxime Pungé, c'est pas du niveau de Ligue 1. Otavio, ça fait 3 coachs consécutifs qui vous font pas confiance. Donc, avant de dire que, il faut que vous jouez, peut-être qu'il va falloir aussi qu'il se monte. Parce que s'il joue pas avec, laisse-moi finir. S'il joue pas avec Ricardo, c'est peut-être qu'il y aura des raisons. Ensuite, on a Tchouaméni, Sankaré, il choisit ses matchs. Okay. Plazil, il est cramé. Vada, plus personne le veut jouer. Thomas Bajic, on l'a même pas inscrit sur la Coupe d'Europe. Et Youssouf, je suis désolé, moi, je suis pas convaincu. Alors, devant, j'en parle pas. Donc, la seule où on est bien, c'est devant. Au milieu, on est plein d'incertitudes. Et derrière, on connaît les joueurs. Et on va encore espérer sauf que Pungé fasse une bonne saison alors qu'il a jamais fait. Un nouveau staff. Un nouvel entraîneur qui vient d'arriver avec des nouvelles idées. Il faut pas des miracles. Alors, je vais sortir une phrase que j'ai horreur de dire et que tu me sors 10 fois par émission et ça me saoule. C'est laisse-moi finir. C'est insulte. Je suis comme si dans cette émission on empêche les gens de parler. Toi. Oui, totalement. Moi, quand il s'agit de moi, on m'empêche, monsieur, de parler quand il s'agit de moi. Quand ils le font chez Moscato aussi, dis mais quoi, me laissez pas parler. Putain, ferme-la, sérieux, t'as 3 heures d'émission. Non, mais sérieux. Non, mais je veux dire, il y a un nouveau coach qui est arrivé. Et après, on passe à Prague sur le dernier quart d'heure. Ouais. Il y a un nouveau coach qui est arrivé. Il y a un nouveau staff. Il y a Collecter qui est... Il y a Bédoué qui est toujours là. Je veux dire, ces joueurs-là, Jovanovic, Vada, Otavio, qui j'oublie encore, Gajic, ces mecs-là, il y a un nouveau coach. Il vous connaît pas. Il vous a jamais vu jouer. Il sait même pas qui vous êtes. Me dis pas que Jovanovic, Ricardo, il sait qui c'est. Tu vois. Il rentre et dit équipe. Donc, à eux de montrer qu'ils ont envie, à eux de montrer qu'ils peuvent être des réels concurrents face à. Parce que je suis désolé, hein, tous ceux qui sont en place actuellement, à part Kalou, Briand, Camano, et c'est Palencia, tout. Et c'est tout. Et Palencia, mais t'en as aucun qui est indéboulonnable. Aucun. Que ce soit au milieu, derrière, aucun. Oui. Mais si ces joueurs-là, joueurs-là n'ont pas été, costés par défaut, je sais pas, hein, on n'est pas le niveau des autres. Si on me dit que ces joueurs-là, ils vont prouver que, moi j'aimerais comprendre pourquoi ils l'ont pas prouvé sous Gouvenès, pourquoi ils l'ont pas prouvé sous Poyet. C'est là où j'allais en venir, parce que quand tu t'appelles Jovanovic, que t'es sous Gourvenec et que t'es sur 14 défaites d'affilée, moralement, t'es pas pareil que quand t'es sous Ricardo, que t'as pas joué encore, donc t'as pas grand chose à te reprocher, et que peut-être ce coach-là, tu vas peut-être mieux t'entendre avec Ricardo qu'avec Gourvenec, et que j'ai toujours dit, moi, le bon joueur avec le bon coach dans la bonne équipe au bon moment. L'exemple typique, c'est Johan Gourcuff, cherche pas. Gourcuff, il s'est retrouvé dans la bonne équipe, la bonne année avec le bon coach. Et le mec, il a tout cassé. L'année d'après, il s'est retrouvé dans le mauvais club avec le mauvais coach, pas la bonne année. On l'a plus vu. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Je peux vous sortir Ben Arfa Anis, il y en a eu plein. Pourquoi Rappelez-vous Pablo, bordel, le meilleur exemple, c'est Pablo. Pablo, il était nul, mais nul. Tout le monde lui chiait dessus il y a 2 ans, Pablo. On est d'accord. Il est parti un an au Brésil, le mec qui revient, ça y est, putain, c'est la Vierge. On a vu la Vierge. Mais c'est remis mentalement. Mais non, mais va falloir qu'il prouve à l'entraînement. Et il va falloir arrêter de me dire que pour leur donner une chance, il faut que la chance, il est en match. Déjà, il va falloir qu'à l'entraînement, il fasse ce qu'il faut. Ah non, mais quand je dis prouver, c'est pas en match, hein. Quand je dis prouver, c'est au quotidien, tous les jours, à l'entraînement. Je sais pas, il y en a déjà plein qui veulent. Et aussi en match, si à un moment donné, il faut aussi peut-être. Comment tu veux dire? Il y a 2 façons de voir le truc. Thomas, je sais pas toi comment tu fais dans ton club. Mais le mec qui est remplaçant. On lui dit à un moment donné, il va falloir que tu sois bon. À un moment donné, je vais avoir besoin de toi parce qu'il y aura un blessé, un suspendu. On a un effectif de 26 déjà dans le club. Et donc, bah, déjà, il récompense ceux qui viennent déjà aux entraînements, ceux qui sont. Ouais, donc, bon, là, on part de loin quand même. Mais ceux qui sont. Mais il y a plein de clubs. Les mecs viennent pas, ils jouent pas. Non, mais il y a raison, j'ai un pote, c'est pareil. Il y a plein de clubs comme ça où des fois, justement, tout le monde peut pas arriver à l'entraînement, machin, tout ça. Et lui, les coachs, il me dit, ceux que je mets en premier sur la feuille, c'est ceux qui viennent à tous les entraînements. C'est les meilleurs qui jouent et ceux qui ont la meilleure mentalité aussi. Alors, ça, c'est tellement pas vrai, tu sais. Les trucs de ceux qui viennent, non, c'est ceux qui sont bons qui jouent. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Ceux qui étaient bons jouaient. C'est peut-être parce que t'étais pas bon. Moi, j'étais pas ouf. Mais moi, je jouais avec la 2. Mais la 1, c'est pas compliqué. C'était pas ceux qui venaient à tous les entraînements qui jouaient le samedi. Ça, c'est pas vrai. Bon, enfin, dans certains. Ceux qui sont bons aux entraînements la mentalité aussi. Et du coup, Thomas, tu gères comment la Coupe d'Europe? C'est vrai qu'il y a Chris sur le chat qui demande comment tu gères la Comment coupe tu vas gérer l'Europa League. Et du coup, ton effectif, 26, ça va, c'est pas trop. Ça va? Tu joues quel poste, toi, Thomas? Moi, défenseur central. Oh bah voilà, défenseur central. Le futur Koundé. Va falloir que tu. Ouais, fratrie un peu mieux. Va falloir que tu grossisses. Il va t'emmener 2-3 fois. Parce que la taille, ça va, tu l'as à peu près, mais va falloir que tu fasses péter de la muscu un peu, garçon. Tu diras à ton père, tu leur diras qu'on y arrivera. Mais pas trop, parce qu'après, t'avanceras plus. Ouais. Allez, on va passer à l'avant-match. Il reste un petit quart d'heure. On va passer à l'avant-match de ce qui nous attend. C'est quand? C'est Prague. Musique qui fait peur. Oui, musique qui fait peur. Oui, téléphone. Musique qui fait peur. Ah non, elle fait pas peur, cette musique. Elle est sympa, cette petite musique. Nouvelle hymne de l'Europa League. C'est ça qu'ils ont changé, en plus. Ouais, j'aime bien, ça passe bien. Ça fait moins peur que l'autre. Donc ça faisait trop peur. Ah ouais, une angoisse, mon gars, devant ma télé à chaque fois avant les matchs. Donc, jeudi 21h, Bordeaux affronte pour la première journée d'Europa League le Slavia Prague. Ça va être chaud, les enfants. Ça va être premier de son championnat. Bon, pas championnat tchèque, mais premier. Oui, qui a gagné ce week-end 3-1. Voilà. Me demandez pas le nom de l'adversaire, c'était un petit peu compliqué. Prague. C'était plus compliqué que ça. Il a été annoncé par. Qui a annoncé ses bédoués? Je crois que ça allait un petit peu. Donc on fait tourner en Europa League. On joue pas l'Europa League. Après, attention, c'est toujours pareil. Tourner, ça veut pas dire qu'il va changer les 11. Je pense que tourner, tu vas avoir Otavio qui va rentrer dans le groupe, peut-être Tchouaméni et peut-être Sabali. Voilà. Mais de toute façon, Pungé a senti une gêne. Donc, à mon avis, tourner, ça veut dire ça. Et peut-être Cornelius pour, à la place de Briand, c'est tout, les 3-4. Ouais, c'est-à-dire que le problème, c'est que tu devrais sortir Plazil et Lohager qui sont pas bons, qui sont un bout de souffle. Non mais voilà, on peut continuer longtemps, mais moi je vous dis que c'était pas là qu'il fallait tourner, c'était ce week-end. Surtout vu le score qu'on a fait, c'était vraiment ce week-end. Bah après au risque de perdre, fallait quand même aussi prendre des points en championnat. Ah bah oui, on les a pas pris les points donc. Oui non mais ça c'est après quand on voit les roubignoles qu'on dit que c'est un garçon Marc, mais. Oui mais bon. Avant c'est compliqué quand même. Le problème c'est que moi je pense réellement qu'on est loin de pouvoir faire autant l'impasse que ça en Europa League. On risque de prendre une branlée. Si je peux te donner la victoire, ils ont battu Slovako 3-1 le Slavia Prague. Slovako, grosse équipe. Slovako, c'est Slovako. C'est Slovako. Il y a déjà eu 2 Bordeaux-Prague. Ah bah oui, en 96, vous étiez pas nés les enfants. Avant d'affronter. Si, j'avais 2 ans. Après avoir affronté et battu le Milan AC en quart de finale en 1996, en demi-finale, Bordeaux affrontait le Slavia Prague. Et Bordeaux s'est imposé 2 fois. 2-0, je crois, en plus. À la maison et là-bas. Là-bas, sûr, à la maison, je suis plus sûr. Mais là-bas, c'est sûr. Et je crois que c'est Tolo même qui avait marqué à. Premier match là-bas, match aller là-bas. Et je crois que c'est Tolo qui marque et on gagne 1-0. À Wikipédia. Et on gagne 1-0 au retour. 21h, ça sera sur la chaîne numéro 20. RMC Story, enseignement numéro 23. Donc vous pourrez voir le match en clair. On a un auditeur au téléphone, Marc. Oui, c'est Thibaut qui est avec nous. Oh Thibaut, notre Thibaut nous. Oui, notre Thibaut. Oui, que je m'enflamme pas avant. Qui en fin d'émission dira quelques mots sur les féminines. Oui, exact. Salut Thibaut. Salut les gars. Comment ça va, mon grand? Ça va. Comme un lundi. Comme un lundi. Puis j'ai réussi à me calmer après la. Après dimanche. Ouais. Bon. Le match à froid et. Bon, je suis toujours aussi énervé, mais beaucoup moins chaud, quoi. Voilà, ben, c'est ce qu'on disait, on va pas revenir dessus, mais ce qu'on disait quand même... C'est bon, c'est parlé. Ouais, non, mais franchement, il y a eu des buts. Bon, alors, ok, évidemment, on aurait préféré gagner, mais bon, il y a eu des buts, il y a eu... Non, mais ça, c'est bidon, ça. On s'est enflammé, merde, t'étais pas sur le troisième but, t'as pas explosé, t'étais pas content sur le troisième but. Si, sauf que je suis désolé, moi, je serais content qu'on gagne. Non, mais ça, c'est comme les gens qui me disent, ah, 4-4, quel super match, c'est contre Lille. Et qu'on fait 5-4 à la fin, on mène 4-1, on s'est remonté à 4-4 et on marque contre. Enfin, oh putain, j'ai vu un bon match de Bordeaux. Moi j'ai vu un match de merde. C'est un bon match parce que t'as gagné. Non, mais j'ai vu un match de merde. Faut dire ce qui est. Quand tu prends 4 buts, c'est pas bon. Thibaut, mon petit Thibaut. Surtout quand tu mènes 4-1. On fait quoi jeudi? On fait tourner, on fait pas tourner, on y va en touriste. Ben, vous l'avez rappelé. C'est Bédoué sympa, Prague. Il a dit en conf de presse qu'il allait faire tourner, donc certainement le. Otavio devrait intégrer le 11. On a, je pense, vu ce qui s'est passé, apparemment Pungé est blessé, donc on devrait tourner avec Sabali sur le côté gauche, peut-être. Et puis devant, moi je vois pas beaucoup de changements, je vois pas forcément de changements dans le trio de devant, parce que c'est l'un des seuls pour l'instant secteur de jeu qui donne satisfaction. Après on a avec Léo Camano qui était bien cramé avant hier. Ouais mais je sais pas. Après j'ai aussi entendu dire que l'Europa League était on va dire une priorité et que ça dérangeait pas de jouer l'Europe et le maintien en même temps. Donc j'ai entendu ça aussi. Bon, c'est enfin bref, c'est que c'est Bédoui qui a dit ça en avant-match. Que l'objectif c'est de bien figurer quand même en Coupe d'Europe et que si ça devait occasionner des pertes en championnat, vous assumerez la perte en championnat. Bon, donc voilà. Ça c'est fait, après on peut en débattre, hein, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise stratégie. Je sais pas, en 96 on se souvient de quoi? Qu'on a été en finale ou qu'on a fini 16e? Ouais, non, c'est sûr, mais l'intersaison très compliquée qu'on a vécue, vu le bordel que ça risque d'être pour la mise en place des Américains à Bordeaux, j'ai pas envie qu'on rajoute en plus une crise sportive, si vous voyez ce que je veux dire. C'est ça. D'autant que, voilà, moi je me réjouis pas du tout du début de championnat de Bordeaux. Très bien, j'entends le discours qui consiste à dire oui, mais en août on focalisait tout sur la Coupe d'Europe, machin. Et au final on est qualifié en Europa League, donc c'est-à-dire qu'on... Moi je suis content de jouer l'Europe, il n'y a pas de problème, mais c'est-à-dire qu'on se rajoute des matchs en complément. On a un effectif qui est pléthorique, mais qui en qualité est faible. Je pense que le banc de Bordeaux aujourd'hui, c'est pas forcément un banc qui peut te donner des solutions. On pourra remercier Gustavo Poyet pour avoir écarté des joueurs en début de saison et aujourd'hui que tu en as besoin, eh ben, tu peux pas les prendre parce qu'ils sont pas en forme. Donc voilà, mais je pense qu'au-delà des joueurs qu'on pourra rajouter jeudi ou enlever, je pense qu'avant tout il y a un état d'esprit quand même à aller chercher, parce que ce qu'on a vu sur le match de face à Nîmes, c'est proprement scandaleux. Quand on voit, je crois que c'est Marc qui disait tout à l'heure, Sankaré, il fait un match pitoyable. Des joueurs à l'image de Sankaré, il y en a 11 sur le terrain. Donc c'est ça en fait, et je pense que Ricardo, Poyet, pas Poyet, je sais pas si c'est vraiment l'entraîneur qui va faire changer des mentalités bordelaises, mais en tout cas je voulais pas être anxiogène à 21h54, mais moi non, attends, 59 pour rendre l'antenne. Non, mais je suis pas du tout confiant. Attends, enfin quand tu vois ce qu'on a fait hier, tu te demandes vraiment si Bordeaux est capable d'enchaîner et la Ligue Europa et le championnat. Alors oui, on a que je crois 6 points ou 4 points de retard sur le sur oui, la première ça partie va, du tableau. Il y a pas le feu encore en termes de points. Il reste 33 matchs. Voilà. Ok, très bien. Mais quand tu vois le bordel que c'est au club, le fond de jeu de l'effectif, que si tu sors Camano et Kalou est brillant hier, c'est le néant total. C'est-à-dire que à la fin quand même, tu fais entrer Depréville. Le mec. Oui, non, mais attends. Ok. Non, mais moi, je veux bien. Tu me dis si on sort Kalou, Cavano et Briand. Ok, mais alors dans ce cas-là, si Marseille, ils sortent Payet, Thauvin et Mitroglou, ils gagnent pas 4-0 hier contre Guingamp. Si non, Paris... mais t'as des joueurs qui étaient capables de faire la différence. T'as des joueurs quand même qui sont un peu plus talentueux que ce que tu abordes aujourd'hui. Derrière, là, aujourd'hui, enfin, face à Nîmes, tu n'avais pas Pablo. Tu as vu ce que ça a donné. Mmh. Voilà, dès qu'il manque un joueur à Bordeaux, dans une des lignes du 11 de départ, c'est la Bérézina. C'est-à-dire que demain, il te manque Kalou parce que tu es obligé de faire tourner. Exemple, tu as le match de Coupe d'Europe, tu vas faire tourner, on va voir ce que ça va donner. Je suis pas sûr que le petit Zaïdou, il est encore... Ah il est... oui, ça. Et voilà. Ça, je suis pas sûr. Caramon, on fait venir Caramon, il est jugé hors de forme. Donc Camano va être obligé de jouer. Donc il est, Marc, tu le disais tout à l'heure, il est à mon avis cramé aussi. Devant Cornelius, moi j'ai rien contre lui, il a joué 10 minutes, je vais pas le défoncer maintenant. Mais sur les 10 minutes qu'il a faites, on a bien vu qu'il a pas du tout d'automatisme avec le groupe, qu'à chaque fois qu'il faisait des déviations, il n'était pas compris. Non, donc, mais c'est normal, Thibaut, je sais même pas s'il a fait un entraînement complet avec Non, mais je suis d'accord avec toi, Seb. Je suis d'accord avec toi, Seb. Mais le problème, c'est que tu as des objectifs là. Ah oui, il faut être vite performant, je suis d'accord. Voilà, vu la forme actuelle de l'effectif, c'est pas facile pour prendre ses marques quand t'es un joueur, tu parles pas la langue, que tu viens d'arriver en plus à la dernière minute du mercato. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je suis un petit peu inquiet. Donc j'espère que jeudi, ils vont me faire fermer ma gueule et me dire que... Bon, Moi, ouais, j'espère que ça va pas durer qu'un match. On est tous d'accord qu'un point, c'est une bonne OP. Hein. On est tous d'accord que 0-0, on prend tous, on est tous contents. Hein. Non. C'est parfait, ça marque un but. Ouais, c'est chier quand même. Slavia Prague, c'est quoi? Enfin, je veux dire. Alors justement, j'allais vous en parler pour rajouter un petit peu de, parce que là, je me suis dit bon, ça doit pas être si terrible. En fait, faut savoir que Slavia de Prague, c'est un reversé de qualif de Champions League. Ils se sont fait sortir par le Dynamo de Kiev au tour d'avant, pendant que nous on jouait contre Genk notre match aller. Ouais. C'est vrai. Ensuite a commencé pour eux le championnat tchèque. Ils en sont, c'était ce week-end leur quatrième journée. Ils ont perdu le premier match 2-0 chez eux face au modeste club de Jablonec. Tu connais bien. Et alors par contre derrière, c'est là où c'est moins drôle. Sur les trois matchs qui ont suivi, ils ont gagné 3-0 à l'extérieur, 4-0 chez eux, 3-1. Donc ils sont sur 3 victoires, 10 buts marqués, 1 but encaissé. Alors certes, quand je vais vous donner le nom des équipes, c'est Teplis, Pzir... Ouais putain, fait chier. Pzien... Pilsen, pardon, Victoria Pilsen. Ah oui, Victoria Pilsen, oui. Et ils ont gagné 4-0 chez eux contre Pilsen. Et là, ce week-end, donc, face à Slovako, ils ont gagné 3-1 à l'extérieur. Donc, eux sont plutôt sur une dynamique. Voilà, ils sont chauds, ils sont chez eux. Taper pour nous, ça peut être ça. C'est pour ça que je vous dis un petit nul. Moi, ça me déplairait pas, surtout avant de recevoir Copenhague, qui est censé être l'équipe la plus abordable. Ouais. Moi, je préfère la victoire parce que sachant que Copenhague et Zenit. Ah, mais non, mais Thomas, moi aussi j'aimerais gagner. Y a parce pas de souci. Mais Copenhague et Zenit, ils auront pas de pitié à Prague. Et c'est pas Zenit. Et ouais, donc, on sera surtout. Notre principal adversaire sera surtout Copenhague, je pense. Okay. Pour la troisième place. Pour la quatrième. pour la troisième place. Non, pour la deuxième. Non, mais oui, voilà, c'est... Donc, Marc, on t'a pas entendu sur... Faut essayer de prendre le maximum de points contre... Mais il est pas trop Prague, Marc. On t'a pas entendu, Marc. Non, je voulais laisser... Je voulais laisser parler. Non, le problème, c'est encore une fois, c'est qu'il faut faire des rotations. On en a fait aucune depuis le début de saison. Le problème, il est là. C'est qu'on arrive déjà à la mi... On est quand même mi-septembre, hein. Ça fait un mois et demi que le championnat a repris. Ça fait deux mois. Si, on en a fait une parce que je m'en souviens, on avait fait un débat que j'étais pas d'accord avec vous. Vous m'aviez dit Monaco, il faut faire tourner à Monaco et je vous ai dit, on va faire tourner, tu te rappelles pas? Ça fait deux mois qu'on a repris, mais on n'a jamais fait tourner. On n'a jamais fait tourner. À part un ou deux joueurs, on n'a jamais fait tourner. Les joueurs qui ont joué depuis le début de saison, c'est pas compliqué. C'est tous les mêmes. Tous les mêmes. Je vais être très simple. Sabali, bon, était blessé. Pénard a pas joué. Pablo a joué. Punja a joué. Gajic, pardon, excusez-moi, il a joué dès qu'il est remplaçant. Il a pu jouer. Palencia a joué depuis qu'il est arrivé. Koundé a joué. Leschuk a joué à la place de Gajic. Jovanovic, j'en ai jamais entendu parler. Donc, la défense, on a déjà 2-3 joueurs qui sont hors de forme. Le milieu, j'en parle pas. Valentin Vada a pas joué une seconde. Mais même les matchs de préparation, ces gens-là ont pas joué. Basic, pas joué. Contre Strasbourg, il fait un quart d'heure. Un quart d'heure. Mais arrêtez de me dire un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est insuffisant pour être en jambes. Et il rentre à... Depuis le début de saison, le mec, en deux mois, le mec, il a joué 45 minutes. Mais c'est... Et encore, je suis des noix, quoi. Otavio, il a pas joué. Et c'est tous les mêmes qui ont joué. Au milieu, il y en a quatre qui ont joué. Et devant, je vais compter Youssouf, hein, il y a Briand qui a joué. Kalou, De Préville et Camano. Et les autres n'ont pas joué. Donc, quand tu as si peu fait tourner, tu as si peu concerné d'effectifs, tu peux plus faire une rotation. Parce que les joueurs que tu vas faire entrer, ils sont pas en forme. Ils sont juste pas en forme. Tu as recruté à la dernière minute du mercato, donc j'en parle même pas de ce point-là. Donc, comme tu n'as pas concerné tout le monde tout au long de ta préparation, tu te retrouves maintenant à devoir dire attention, parce que la Ligue 1, on est tellement en retard qu'il faut prendre des points, mais l'Europa League, on ne veut pas sacrifier. Donc tu fais pas tourner. Parce que les joueurs, tu voulais. Ou alors tu en vas mettre un ou deux. Et le problème, c'est qu'il fallait faire tourner avant. On se retrouve sur des questions parce que le mois de juillet-août a très mal été joué, très mal été géré. Donc on se retrouve à poser des questions de est-ce qu'on va faire tourner, est-ce qu'on va pas faire tourner, est-ce que. Mais on sait pas. On sait pas parce que De Préville, le mec, il est au fond du trou psychologiquement. Donc tu vas pas te mettre, tu vas pas le mettre lui. Parce que tu veux quand même gagner, hein. Donc, mais je te dis, le problème, c'est qu'il faudrait faire jouer quand on considère, tu vois, Guingamp, par exemple. Tu vois, je te le fais autrement. Je tourne mais tu pas. Tu vas le faire vite parce que je mets la meilleure équipe possible. Alors, je mets la meilleure équipe possible, ça veut dire que Tchouaméni joue, hein. Mais j'essaye de faire la meilleure équipe possible. Et contre Guingamp, je fais tourner tout le monde. Tous ceux qui peuvent jouer, Bazic, il joue, De Préville, il joue, Cornelius, il joue. Je fais jouer la maximum de personnes. Parce que contre Guingamp, une équipe qui est encore plus mal que toi, je m'attends à ce que ces joueurs-là soient capables de faire le job. Mais s'ils le font pas là, j'ai un souci. Par contre, je peux pas leur demander de faire le job contre Monaco. Je peux pas leur demander de faire le job contre Lille. J'essaye juste d'être un minimum logique avec les demandes qu'on va faire aux joueurs. Et le problème, c'est qu'on risque de faire à moitié tourner maintenant, qu'on risque de perdre en Europa League. Enfin, je suis désolé, Bordeaux, si on commence à perdre en Europa League, on est une saison qui risque d'être après, bien pourrie. Après, il y a peut-être un autre calcul aussi qui est de dire, si on veut faire un truc en Europa League, on oublie la première place. Parce que viser la première place, ça sous-entend faire des... Ça sous-entend faire des résultats à l'extérieur. Mais elle est pour qui la première place? Bah, la première place, c'est pour le Zénith. Mais voilà. Donc c'est peut-être contre le Zénith à l'extérieur que tu te dis que tu prendras pas des points. Tu te dis, mais je mise tout sur trois matchs à domicile. Je mise tout sur trois victoires, 9 points, c'est second. Mais c'est pas suffisant. Mais non, parce que le problème, c'est quand tu dis 3 points comme ça, c'est-à-dire déjà que tes deux concurrents directs, ils ont aussi pris 3 points. De quoi? Mais c'est-à-dire que le Slavia Prague et Copenhague, ils prennent 3 points à domicile contre nous. Chacun. Donc ton avance, il est pas si important que ça. Attention à pas déchanter parce que ouais, je vise tout sur les matchs à domicile. Mais si tu gagnes pas à domicile, ah bah c'est parce que tu dis, mais t'es marrant, toi tu veux gagner sur tous les tableaux. Non, parce que toi, moi je te parle du principe que contre le Zénith, je prends 0 points. J'en prends pas à domicile contre le Zénith à l'heure actuelle. Donc je prends pas de points contre le Zénith à domicile. Donc au final, j'en prends 6 à domicile. Donc je suis dans l'obligation d'aller chercher des points à l'extérieur parce que si je vais pas prendre des points à l'extérieur, ça veut dire mes deux concurrents directs, ils ont aussi 3 points. Et si avec un petit peu de peau, il y a une équipe qui gagne aucun de ses matchs, t'as l'air d'un con. Donc, allez. Attention au calcul. La Coupe d'Europe, il faut la jouer à fond. Sauf qu'on attaque ce match de Slavia Prague avec un milieu. J'ai envie d'en mettre aucun des trois. Parce que j'en ai deux qui sont croix-mazis et j'en ai un qui joue pas. Pour terminer les pronos. Quel est votre pronostic? Pronostic. Oui, c'est votre pronostic. Un petit peu. Une boucherie. Alors Thibaut, boucherie ou pas boucherie? Moi je pense une défaite 1-0. Marc, voilà. Comme j'ai aucune idée du niveau de la Slavia Prague, que j'en connais aucun des joueurs qui jouent là-bas et que je suis supporter, je vais voir un nul. Putain, ça n'a rien à voir, mais c'est juste Marquisio Azino Zenit Saint-Pétersbourg. J'ai appris ça la semaine dernière, ça va être moins drôle. Thomas. Bon, parce que, vu comme je suis pas TM, une petite victoire 2-1 des Girondins. Rémi. Ouais, moi je dirais 2-1 aussi. Allez, pour eux. Bah, pour nous. Vous êtes chaud là. On est chaud. Bah, en même temps, honnêtement, je pense que marquer, on sait faire. Marquer, on sait faire. On pour sait marquer. Débute aussi. Bah, ouais, c'est ça le problème. Donc, marquer, on sait faire. Donc, je pense qu'on marquera. Et puis, comme j'ai pas envie de porter l'œil et que. Voilà. Touche du bois. Un partout, je serais très content. Un point. Ouais. Moi, ça m'ira très bien. Un point à l'extérieur pour ton premier match. Ça m'ira très bien. Il y a Machoner qui nous dit 1-2 pour nous. David sur le chat qui nous dit 2-1. Un partout pour Chris 33. Il y a Sido Bordeaux qui nous dit carrément 4-1 pour Bordeaux. Oh là là. Il est chaud bouillant. Avec un triplé de Préville. Avec un privé. Ouais. Ah, j'attends sur la triplé de Préville. Avec Ah oui, et oh là, j'ai complètement oublié, tu voulais placer un mot aussi sur les jeux, parce que j'étais pas sur le chat en fait, je viens de voir ton message. Un mot sur les filles, Thibaut, t'étais au match, c'était samedi après-midi, elles ont battu Rodez 2-0, c'est ça, je dis pas de bêtises. 2-0, ouais. Donc c'est, moi j'étais donc au stade, en compagnie de Ulrich Ramé et Mathieu Chalmé qui étaient là. Aussi pour et Jérôme Prior, voilà, j'oublie pas non plus Jérôme Prior, parce qu'après on va dire que je l'oublie volontairement. ouais, victoire 2-0, donc c'était leur deuxième match de la saison, deuxième victoire en deux matchs. Ouais. Donc voilà, et le premier match face à Metz a été reporté parce que il y avait beaucoup d'internationales qui n'étaient pas rentrés, donc du coup le match a été reporté. Alors d'international Messine, précisons. Hein? D'international Messine, pas bordelaise. Si, il y avait des bordelais qui étaient retenus en sélection dans les différentes sélections, que ce soit l'équipe de France A ou chez les jeunes. Match maîtrisé, une belle équipe, après je vais pas vous la faire, mais donc les buts, c'est Vanessa Gilles, donc la défenseur centrale, qui a marqué un peu avant la mi-temps, et Liliane Assehi, donc une des recrues de cet été, qui vient de Marseille. Et dont son coach a fait les éloges, juste avant le match. Elle lâche rien, quoi. C'est une guerrière. Après, il y a, donc, une première mi-temps quand même maîtrisée, avec, une Claire Lavogé qui a rayonné aussi au milieu de terrain. En fait, c'est une équipe qui est vachement complémentaire. Mais par contre voilà, il y a des petites sautes de concentration, bon, sans conséquence puisqu'elles n'ont pas encaissé de but, mais la deuxième mi-temps a été beaucoup plus compliquée pour les Girondines, et à la fin ça a été un peu mieux, mais ouais, il y a toujours ce manque de cette petite saute de concentration qui sont un petit peu exaspérantes, mais il y a une bonne équipe à aller voir jouer. Donc c'était à Saint-Médard-en-Jal. Ah, par contre, c'est sûr, elle change souvent, elle joue jamais. Ouais, mais là, ça, apparemment, elles vont être un peu plus fixées. Il y a un nouveau match là, samedi à 14h30. Alors, j'ai oublié le nom. Je crois que c'est Fleury. C'est pareil, c'est à Saint-Médard-en-Jal. Donc, allez les voir. Hein, voilà, c'est 5€. Allez vous faire votre propre idée. Mais il y a une bonne petite équipe, des joueuses qui sont hyper accessibles. Enfin, et puis elles font le spectacle sur le terrain. Donc. C'est pas mal parce qu'il y a autant le mercato bordelais côté masculin a été compliqué, mais autant du côté féminine on a recruté du lourd, des internationales, des joueurs d'expérience, des jeunes talents aussi qui sont en devenir, plus associé à ça la formation donc de Blanquefort aussi qui continue à envoyer des jeunes joueuses dans l'effectif, donc c'est plutôt intéressant. Après, ça n'a pas la même intensité que les hommes, mais ça reste du beau football. Donc, et puis en ce moment, elles sont en pleine bourre, donc. Et puis elles sont surtout battues une grosse équipe de Montpellier qui fait partie du top 3 de la D1 féminine. Ouais. Et donc ça a merveilleusement bien lancé la saison. Donc elles postulent, de l'aveu de Jérôme Doba, leur entraîneur. L'objectif avoué du club cette saison, c'est le top 4. Moi je pense que il y a une bonne équipe à on va peut-être avoir de quoi s'enthousiasmer finalement cette saison, peut-être pas avec les garçons, mais avec l'année prochaine l'Europe chez les filles et l'année prochaine Coupe d'Europe, mais... peut-être pas l'Europe, mais parce que bon là faudrait quand même s'immiscer entre le Lyon et le Paris Saint-Germain, donc ça va être compliqué, mais il y a des joueuses style Claire Lavogé qui est une internationale française. Ah bah c'est un gros nom, oui. Et puis des historiques comme Andréa Lardez qui reste au club, et Sophie Stillard, la capitaine, qui a fait un match de fou, quoi. Voilà, c'est sûr que c'est pas plaisir là, la récupération. On aura l'occasion d'en voilà, j'allais dire, on va faire une émission dans la saison qui sera en partie consacré, je pense, à un Gérard, je sais pas trop quand, mais on va essayer de trouver. Avec pourquoi pas une invitée et eux. En studio. On sait jamais. Mais on va les suivre cette année parce que, comme t'as dit, elles ont fait un gros recrutement cet été et il peut y avoir une bonne petite surprise. une bonne petite surprise à la fin de la saison. Samedi, de toute façon, on en reparlera vendredi, mais samedi 14h, réception 14h30 de... 14h30 à Saint-Médard, réception de Fleury, mais Rogis. Ouais. Merci. Pas Mérogis, hein, mais Fleury. Merci Thibaut, et puis on te retrouve bonne semaine, mon petit, et puis on te retrouve vendredi, c'est ça? T'es là vendredi? Ouais, ouais, ça marche. Je vais voir si je suis là vendredi parce que j'ai les beaux-parents qui débarquent à Bordeaux. Hop, hop, hop, hop, hop. C'est chaud, là. Va pas faire, ouais. Va entre pas la faire, radio, les beaux-parents, garde les beaux-parents. Ouais, va pas faire d'impair. Ah non, ça marque, on sait pas, mais ils sont peut-être du nord. Ils sont de l'est. Pas, voilà. Mais j'ai pas l'impair, Quimper. Oh là là là là là. On finit sur une blague magnifique. Bon, bref, sauf que Quimper, c'est en Bretagne. Merci Thibaut. Mais Quimper, c'est en Bretagne. Ah non, c'est dans le nord, hein. Il a raison, Marc. Quimper. Quimper, c'est Quimper. Pas... Ah non, Quimper, c'est en Bretagne. Ah d'accord, ok, ça y est, j'ai compris. Non, il a dit Quimper, Quimper. Il a voulu faire une vanne géographique, si tu veux, mais le problème, c'est que la géo, c'est pas non plus son délire. Après, sinon, il y a l'impair. Ah voilà, après, là, j'aurais mieux compris. Après l'orthographe, la géo. Oui, c'est, bah, c'est faux. Entre un germe. Toute une bah, tu sais pas d'où ils viennent, dans le nord de la France, c'est quoi? C'est au-dessus de la gare, mais d'accord. C'est toute une cinquième à refaire. Allez, merci Thibaut. Bonne soirée. Ciao, mon grand, bonne semaine. Ciao. Messieurs, on va se quitter là-dessus. Donc Marc, cours de demain, tu fais français de 8 à 10. Raccroche déjà, parce qu'on entend la sonnerie. Autant pour moi. Et après, tu fais histoire. Ça s'appelle une blague, donc si après vous n'êtes pas drôle, moi j'y suis pour rien. Mais c'est que t'as un humour qui est... Alors, tu feras français 8 à 10, 10h midi géo, et 14-16, tu fais cours de blague. Finger in the nose. Mais non, Marc, on rigole. Oh là là. Bon, messieurs, on va se quitter là-dessus parce que on a fais un petit peu. De fin, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? On se retrouve donc vendredi 21h-22h30, juste après les copains de devant le match qui seront là à partir de 7h30-19h30. On parlera de Prague, de ce qu'on aura vu jeudi soir, en espérant qu'on en voit assez pour en parler. Que Bordeaux propose quelque chose quand même pas contre Rennes par exemple. D'ailleurs, en parlant de trucs à proposer, mais juste parenthèse, hier à la mi-temps de Marseille-Guingamp, je sais pas si vous avez vu le match, vous savez qu'à la mi-temps du match du dimanche soir, ils montrent les résumés des deux matchs de l'après-midi. Donc ils commencent par Bordeaux-Nîmes, il faut et Hervé Matou, il reprend en fait. Et sachez que plus tôt dans l'après-midi, Nantes-Reims ont fait match nul 0-0, et qu'on ne va pas s'y attarder plus que ça. C'est pour vous dire, il devait même pas y avoir une frappe. Un truc, c'est dans le résumé à mettre. Ça devait être une tristesse ce match. Bref. Voilà. Donc on se retrouve vendredi 21h-22h30 RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. Les phrases de fin, Marco. Merci. C'est tout ? Ouais, c'est comme ce qui m'énerve en ce moment. Ok, bon, bah merci. Thomas. Allez, Bordeaux. Micro coupé. Rémi. Moi, liberté pour Paul Bice. Tout à fait. Et pour ma part, ça sera comme d'habitude, Girondin, c'est pour toi que tu joues, mais c'est Bordeaux que tu représentes. Merci à vous de nous être fidèles. Merci aux gens du chat qui étaient présents ce soir. Merci à Pierre Ducasse. Vous retrouverez le podcast très rapidement. Pour ceux qui l'ont raté, on vous le refera partager. On se retrouve vendredi. On vous souhaite une bonne semaine, un bon match. Jeudi, 21h, RMC Story, canal 23 de la TNT, pour ceux qui pourront pas voir le match. Et allez, Bordeaux!